Et Marion Cotillard, tu vois. C'est genre les mecs, on est vraiment, c'est non, Marion Cotillard pour coucher avec, par exemple. On sait ce que c'est. Guillaume Canet, il s'en va, elle est un peu triste. Qui c'est qui est là? Kevin qui sort de la douche. 5h57, vous écoutez Virgin Radio, ça c'est cool. Dans quelques instants, Camille Combal arrive, il paye votre loyer à 6h20. Il vous offre 50 tonnes de loyer tout à l'heure à 8h20. Pour vous inscrire, c'est tout simple, loyer votre numéro de téléphone au 7 12 13. En attendant, voici Mike Perry sur Virgin. Bon vendredi. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air. Vous l'entendrez partout la première fois, c'était ici chez nous sur Virgin Radio, c'était Mike Perry. Allez Romain, donne tout. On est le 16 septembre, c'est vendredi, c'est bientôt le week-end et c'est Camille Combal qui arrive dans un instant. C'est Romain Show pour le moment, merci de m'avoir invité Romain. Bah avec plaisir, j'étais content, c'était une belle émission qu'on a fait ensemble. Bon maintenant on fait l'actu puis après on te retrouve. Avec plaisir et tu seras là aussi Camille. J'essaie de passer, il n'y a pas de jingle. À toute la France l'attend avant de retrouver Camille Combal. C'est Tristan Sarah pour l'actu partout en France. Salut Tristan. Salut Robin, bonjour à tous. D'abord la météo avec beaucoup d'instabilité aujourd'hui sur tout le pays. Des éclaircies sur la Bretagne, mais de la pluie partout ailleurs. Pas d'alerte, mais des orages attendus sur la moitié est. Vous aurez 20 degrés cet après-midi à Paris, 21 à Lyon, 22 à Marseille et 25 à Perpignan. Le tribunal correctionnel de Bastia vient tout juste de rendre son jugement dans le procès de la rixe survenue cet été à Cisco en Corse. 5 prévenus, l'un d'eux, Mustapha Benadou, a été condamné à 2 ans de prison ferme pour violence avec arme. Les autres ont écopé de peine avec sursis. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé hier contre la loi travail. 169 manifestations à travers toute la France. Des incidents ont éclaté à Paris, à Nantes, à Rennes, Rouen, Grenoble, Toulouse et Montpellier. Au moins 4 manifestants et 15 policiers blessés. 32 individus gardés à vue. Les policiers qui ne sont pas au-dessus des lois, c'est le sens du rappel à l'ordre adressé par la préfecture de police de Paris à ses fonctionnaires. Véhicules de service garés n'importe où, excès de vitesse et autres feux rouges grillés sans raison apparente. Les policiers sont priés de régler eux-mêmes leur PV et de réserver l'usage du gyrophare et de la sirène uniquement aux interventions urgentes. À propos de voitures, les Français sont de plus en plus branchés par l'électrique. C'est ce qui ressort du sondage Ipsos publié ce matin dans le Parisien. 35% des Français se disent prêts à passer au véhicule électrique. Principaux freins, le prix et l'autonomie des véhicules. C'est c'est l'événement radio de cette rentrée. Camille Combal et Virgin Radio vont offrir 50 ans de loyer à un auditeur tiré au hasard, au sort au hasard, ce matin à 8h20. Vous pouvez encore vous inscrire, c'est simple, il suffit d'envoyer dès maintenant loyer au 7-12-13 et surtout de rester joignable. Virgin Radio qui vous fait gagner aussi l'iPhone 7 aujourd'hui à l'occasion de sa sortie en boutique, un smartphone entre 769 et 1129 euros selon sa taille et sa mémoire. Et attention, il est déjà en rupture de stock. Dans l'actu sport du week-end, du foot avec le coup d'envoi ce soir de la 5e journée de Ligue 1. Quand on reçoit le PSG à 20h45, Monaco, le leader, recevra Rennes demain dès 17h. Troisième, Nice jouera dimanche après-midi à Montpellier. Nice battu 1-0 par Shakhtar Noulfir hier soir en Ligue Europa, tandis que Saint-Etienne et Mayenne se sont séparés sur un nul, un but partout. En tennis, les demi-finales de la Coupe Davis, Grande-Bretagne, Argentine et Croatie-France d'aujourd'hui à dimanche. Richard Gasquet et Lucas Pouille dès 14h cet après-midi sur les cours de Zadar. Oui. Enfin, la France à la 17e place du tableau des nations aux Jeux paralympiques de Rio. 23 médailles dont 6 en or. Les Bleus ont arraché 6 récompenses hier, dont 2 médailles d'or en tennis et en escrime, bien loin des Chinois qui eux sont en tête avec près de 200 médailles. J'ai 50 ans de loyer à offrir, on en a pas assez parlé du tennis et tout là. C'est fini. Lucas Pouille, là, ton pataquès. Je l'ai dit. Est-ce qu'on peut offrir 50 ans de loyer aux gens? Oui, on envoie le loyer. C'est parti. Par SMS. Merci mon Tristan, on te voit dans une demi-heure. Ouais, bisous. Merci, à tout de suite. C'est une émission exceptionnelle. Camille Combal vous offre 50 ans de loyer. Il se trouve que moi, le 17 février, Camille Combal m'a fait gagner 10 ans. Je vous souhaite bonne chance à tous. Je déclare l'émission exceptionnelle ouverte. Bonjour la France ! Bonjour ! De dingue ce matin. Hélène, je suis heureux de te réentendre. Ça va ma belle? Oui, ça va. En février dernier, gagnante donc de 102 000 euros. Ouais. T'es heureuse ma belle, je suis tellement heureux de te réentendre. 102 000 euros, ça veut dire que je t'aurais offert 510 000 euros pour les 50 ans de loyer. Oui, j'ai fait le calcul. Mais bon, 102 000 euros, c'est déjà une somme énorme. C'est aujourd'hui, énorme. C'est 50 ans. Ouais. Aujourd'hui, c'est hallucinant. Il n'y aura qu'un gagnant, qu'une gagnante. Ouais. Parmi tous les SMS reçus depuis 3 semaines, et je précise, c'est important, ce matin encore, le petit dernier SMS, vous l'envoyez, parce que les amis, c'est peut-être vous qui serez déjà le gagnant de 6h20. Très bonne nouvelle, un mois de loyer. À 7h20, un mois de loyer. Et à 8h20, 50 ans. Oh là là. 50 ans. On y est. 50 ans de loyer. H-2. Je suis comme un fou. Je vais être très stressé. Je suis très stressé, l'équipe aussi. On le sait au moment quand même de faire ce jeu. Il y a bien sûr notre huissier beau gosse qui sera là une nouvelle fois. Il vient chaque fois qu'il y a un tirage énorme comme ça. Parce que c'est vraiment un tirage au sort sous contrôle d'huissier. Et ma petite Hélène, c'est la chance que tu as eue quand tu as été tirée au sort. 102 000 euros pour toi il y a quelques mois. T'en as fait quoi, ma chérie? On a changé la voiture. Eh, pas mal. T'es parti sur quoi? Un Scénic, voiture familiale. Ah, c'est bien le Scénic. Ah oui. C'est impeccable. Oui, très bien. T'es contente? Oui. Oui, oui. On me dit que t'as acheté un Turbomix. Un Thermomix. Ah, un Thermomix. Oh là là, c'est le rêve de ma chérie. Ah ouais, bah le mien aussi. C'est le rêve de ma chérie. Elle me tanne avec le Thermomix en ce moment. Ah hein. Bah, c'est super. Ah oui, ouais, Clément. Ça coûte plus de 1000 euros, mais il paraît que c'est révolutionnaire pour les gens comme moi qui ne savent pas forcément cuisiner. Alors fais-nous un petit point Thermomix. On peut mettre une petite musique, j'ai ça. Hop. Tu peux tout faire. Attention. On peut tout faire avec le Thermomix. C'est... Eh ben oui. Alors qu'est-ce qui... comment ça marche? Plein de trucs en même temps, c'est vraiment génial. Pour quand on n'a pas le temps les soirs, c'est le top. Mais alors c'est quoi exactement? C'est tu mets toute ta nourriture dedans? Je sais pas comment on est arrivé du 50 ans de loyer au Thermomix. Quand on a un bol, on fait mijoter soit un bœuf bourguignon, une blanquette de veau, des choses comme ça devant. Puis au-dessus, on peut refaire cuire les légumes à la vapeur. Donc mais ça mais fait le plat. Tu comprends pas ma question. Parce que tu parles comme si j'étais une femme qui sait cuisiner ou un homme qui manie parfaitement les fourneaux. Comme un enfant de 8 ans, est-ce que tu mets tous tes produits dans un truc et ça marche ou est-ce qu'il faut quand même cuisiner? Faut mettre tout un produit dans un truc, c'est comme un gadget. Ouais. C'est tactile, faut appuyer, faut rajouter quand il dit et puis faut tourner le bouton, c'est tout. Et donc, par exemple, si je veux faire une omelette, ça fait des omelettes? Oui, ça fait des omelettes. Donc je mets quoi? Je casse les œufs et ça fait son délire? Faut casser les œufs, il mélange et puis après faut... Oui, voilà. Okay. Ça vaut cher, je crois. Ouais, ça vaut cher, mais ça fait tout. Un robot qui fait tout. Oh là là, c'est génial. Ça vaut cher, mais ça fait tout. Faudra plaisir à Yas. Clément. Moi, je fais du riz au lait au chocolat. Je mets vraiment, c'est pas une blague. Le riz, le lait, le chocolat. Hop, j'appuie mais sur le bouton. T'as un thermomix, toi ? Non, ma cousine. Ah. Et quand je suis chez elle, je fais ça, tac, tac, tac. Et en ce qui normalement mettrait 2 heures à cuire, en 1 demi-heure, pam, ça sort et c'est tout fait. Moi, j'ai un pote à moi, Sébastien, cet été, Hélène. Cet été. Oui. Sébastien, il est pire que moi. C'est-à-dire, tu lui demandes de faire un croque-monsieur, il ne sait pas faire. Tu lui demandes de faire un sandwich au jambon. Il saurait même pas dans quel sens on coupe le bout de pain. Tellement il est nul, c'est sa femme qui lui fait tout. Cet été, il m'a pas fait des glaces. Donc il arrive, tu veux un petit sorbet à la poire? Ouais. J'ai mis d'où ça sort ça? Bah là, mon thermomix, hop, je fais des sorbets, machin. Le gars, c'est faire des sorbets, il passe de rien à sorbeton. Ah bah oui. Mais c'est incroyable ce truc, Clément. Le seul truc galère, c'est qu'il faut changer les bols et ça se nettoie pas tout seul. Ah, c'est ça se nettoie pas galère. Tout seul. Mais t'as pas acheté le Nettoimix? Tu mets le Thermomix dans le Nettoimix, il nettoie le Nettoimix. C'est qu'il faut l'inventer. Ouais. Oui, Laure. Bah, il a pas de chéri, sinon ça se nettoie tout seul. Hein. Les amis, on est parti pour une émission exceptionnelle. Ouais. Je suis tellement heureux, je suis comme un dingue. J'ai jamais été autant à fond pour faire une émission. Ça va être une émission de folie, je le sens. J'ai le pif, le pif. Je voudrais remercier Nico du bureau de nous avoir ramené. Alors, c'était censé faire beaucoup de bruit quand on tape au début du jingle et. Ne marche pas. C'est le truc le plus nul au monde. Donc tous, mangez tous sur Nico. Merci. Les amis, vous irez voir, on va montrer sur les réseaux sociaux. Il nous a donné, je sais pas, des tubes en plastique. Ouais. C'est censé faire beaucoup de bruit, ça marche pas du tout. Il devait être assez calme, hein, tes stades. Hélène, ma petite chérie, je suis très heureux. Eh ben écoute, en tout cas, merci de prendre le temps, on t'a rappelé. Merci de prendre le temps de passer sur l'antenne pour nous dire le bonheur que ça t'a donné, ces 102 000 euros. T'es toujours heureuse ? Ah oui, toujours heureuse. C'est vrai que ça a changé notre vie. C'est fini les fins de mois galères. Eh ben écoute, tu sais quoi, qui nous change la vie. Je t'ai quitté en février dernier, heureuse comme tous, les larmes aux yeux pour le chèque, et je suis contente de te retrouver quelques mois après encore plus heureuse, ma petite Hélène. Et c'est peut-être votre tour aussi d'avoir le sourire comme ça grâce à Virgin Radio, grâce au Virgin Tonic. Loyaux 7-12-13, premier tirage 6h20 et 50 ans de loyer ce matin. Oh, oh là là, je suis comme un fou. Les textos que je reçois des textos, je reçois des textos des anciens patrons de la radio. Non. Je suis là depuis 1000 décennies, qui me disent fais-moi gagner les 50 ans de loyer. Mais je sais même pas une blague. C'est vrai de vrai. Les amis, 6h09, restez avec nous. LP tout de suite sur Virgin. Surrender is gone. And will you know? So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven, 'cause I don't know how. Let's raise our glass nations, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. chez nous, il cartonne dans le monde entier. J'adore. LP, Lost on You. Bienvenue dans le Virgin Tonic. 6h11. Vous êtes en direct avec nous, comme chaque matin. Matinale exceptionnelle. 50 ans de loyer à vous payer à 8h20. Et puis, quoi qu'il arrive, on vous accompagne tous les jours. Vous qui êtes encore sous la douche, vous qui êtes peut-être déjà très, très, très tôt arrivé au travail, qui avez bossé toute la nuit. Et bon, pense fort à vous. On est là jusqu'à 9h. Laure, Clément. Salut. Bonjour. La popo du standard. On parle du loyer, on parle du loyer. Je vous ai même pas dit bonjour. Bah oui. Bienvenue. Bonjour. Le ça bisou. Le bisou. Salut à tous. Et alors, je suis très heureux. 50 ans de loyer, j'ai fait un peu des calculs. Hein. On va en parler beaucoup ce matin, forcément. Je sais qu'il y a plein de gens aussi qui nous écoutent peut-être pour la première fois en espérant gagner ce beau cadeau. Mm-hmm. 50 ans de loyer, par exemple, si vous avez un loyer de 950 euros, vous repartez avec un chèque de 570 000 euros. Oh là là. Et j'ai fait mes calculs. Oui. Vous pouvez laver 285 000 fois une voiture à l'éléphant bleu. Ça va faire à Juju. Mais c'est son surnom, Juju. Non, pourquoi? Parce qu'il aime bien laver la voiture. Il adore, il peut laver la voiture deux fois par semaine. Peut-être que ça va l'intéresser, en tout cas c'est moi que ça va intéresser le prochain chiffre. Uh-huh. Parce qu'on peut acheter 190 000 paquets de brownie brossard. Oh, tu tiens deux mois avec ça, c'est énorme. Non. C'est que vous avez, alors, vous avez peut-être pas, d'ailleurs, je me permets de le dire, c'est mon anniversaire ce week-end. Ouais. Et ça, vraiment, vous savez que ma mère, elle le sait, elle vient ce week-end exprès à Paris pour mon anniversaire, elle est adorable. Et ma mère, elle le sait, elle fait, c'est mon gâteau d'anniversaire préféré. Ça sert à rien de faire des trucs compliqués ou quoi. T'enlèves le brownie brossard, tu mets les bougies dedans, je suis le plus heureux du monde, Laure. Mais je peux te faire un gâteau, moi, si tu veux, pour ton anniv. Merci, bonne soirée. Mais bon, moi, c'est Charlotte aux fraises, si jamais ça intéresse quelqu'un pour mon anniversaire. Charlotte aux fraises, t'aimes bien? Ah ouais, meilleur dessert du monde. Je te voyais pas là-dessus. Pauline, c'est quoi ton dessert préféré? Ah, c'est pas mal, la Charlotte, mais la forêt noire, avec la génoise. J'aime pas le chocolat, moi. J'aime pas le chocolat, j'aime pas la forêt. Ah bah oui. Là, je suis mal tombé. Et t'aimes pas l'Allemagne? C'est allemand comme gâteau. C'est allemand? Oui. Ah bah oui, la clinique de la forêt noire, la série. Ah bah là, j'espère qu'aucun jeune est réveillé à cette heure-ci, sinon il fait un AVC. C'est une vieille série, vieille série sur France 3, la clinique de la forêt noire. Bah rigoler, c'est l'ancêtre de Grey's Anatomy. Hein. Ouais. Bah quoi? Le Nico du bureau. En fait, il y a un vieil alcool aussi dans la forêt noire, c'est le kirsch. Oui. Hein. C'est un truc qui n'existe plus. Ouais. Bah non, le kirsch, on en a encore dans la nourriture. Oh, ma mère, elle en a tout le temps, je sais pas quoi ça sert. Mais... Non, elle en a du kirsch. Et Laure, je t'ai demandé ton dessert préféré. Non, moi, c'est la feuille d'automne, parce que c'était le gâteau que je demandais à ma mère. Non, ça, c'est un film avec Brad Pitt. C'est un gâteau à base de meringue et de chocolat avec dessus des copeaux de chocolat. C'est une tuerie, je sais le faire, je peux te le faire. Ça doit être très bon. C'est une tuerie. Très très bon. Et pas trop de chocolat, moi. Non, justement, c'est plus meringue que chocolat. Ah, ça prend le dessus. Ouais. Sublime. On prend une petite feuille d'automne aussi, de ce côté-là. Et une légende d'automne aussi, on se fait plaisir. 6h14, les amis, je vous souhaite un très très beau réveil. Tout de suite, on écoute Le Maître, Closer. Bienvenue sur Virgin. vous tous. Bienvenue dans le Virgin Tonic. Merci de nous avoir choisis. J'ai mis un décompte devant moi, les amis. Je vous jure, j'ai un décompte. Dans exactement 2 heures, 2 minutes, 36, 35, 34 secondes, on vous paiera 50 ans de loyer. Le meilleur moyen, c'est de vous inscrire. Loyer au 7, 12, 13 par SMS. Et vous serez peut-être déjà le gagnant de 6h20 dans quelques minutes. Belle matinée. C'est exceptionnel ce qui va se passer aujourd'hui sur Virgin Radio. On est très heureux d'être là avec vous en direct, comme chaque matin. Pour 139 euros par mois, ne dites plus jamais... Tiens, là, une place. Ah non, dommage. Smart4Two, garez-vous enfin là où vous allez. Smart4Two, 45 kW pur à partir de 139 euros par mois. Offre LLD 48 mois, 40 000 km, sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart. Je suis la remise exceptionnelle de 20% de chez Castorama. Oui, moins 20%. Et ce week-end, j'ai décidé de me poser sur tous les luminaires et tous les carrelages. Et on va embellir votre maison. Oui. Alors rendez-vous chez Castorama aujourd'hui et jusqu'à dimanche pour profiter de 20% de remise sur tous les luminaires intérieurs et extérieurs et tous les carrelages sol et mur intérieurs et extérieurs. Vite, lancez-vous. Hors ampoule, interrupteur, accessoires et colle, hors commande et promotion en cours, voir conditions en magasin et sur castorama.fr. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Ce temps chez Renault. La French Touch se met au rugby. Portes ouvertes ce week-end avec nouvelle Mégane. Son loyer à partir de 199 euros par mois et aura encore plus fort. Une reprise Argus plus 3500 euros. French Touch touche française. Offre pour nouvelle Mégane Life Energy TCE 100 LLD sur 49 mois, 40 000 km max. Premier loyer de 1800 euros si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voire Renault.fr. Dans 2 heures, Camille Combal vous offre 50 ans de loyer. 50 ans de loyer. Virgin Tonic. La météo, Virgin Radio. Il y a un temps encore très humide aujourd'hui sur tout le pays. Seule la Bretagne et la Corse seront réellement sous le soleil ce vendredi. De la pluie partout ailleurs, avec des orages attendus sur toute la moitié est. Vous aurez 15 degrés cet après-midi à Aurillac, 16 à Limoges, 17 à Brest et à Chambéry, 18 à Cherbourg, Bordeaux et Valence, 19 à Compiègne, Dijon et Biarritz, 20 à Paris, 21 à Lyon, 22 à Marseille, 23 à Nice, 24 en Corse, maxi 25 pour Perpignan. Le soleil gagnera du terrain au fil du week-end. Déjà de belles éclaircies dès demain sur la façade atlantique. Très bon réveil. Live, web radio, podcast. Podcast. Mettez tout Virgin Radio dans votre poche. Avec l'application Virgin Radio. C'est disponible sur l'App Store et le Google Play Store. Match au 73-200, nos experts vous disent si vous êtes vraiment compatible. Match, M-A-T-C-H, au 73-200. 65 centimes, puis prix d'un SMS tel qu'au passe. Virgin Radio présente Virgin Tonic, la compile officielle avec Richard Orlinski, Imani, Coombs, DJ Snake, LP, Calvin Harris, The Avener, Charlie Puth, Julien Peretta, Jonas Blue, Virgin Tonic, c'est la compilation. Moitié au 73202. Nos experts vous diront si votre couple est fait pour durer. Envoyez moitié, M-O-I-T-I-E, au 73202. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Dans 2 heures, Camille Combal va changer votre vie en vous offrant le plus beau des cadeaux jamais offert. Une seule question. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Une seule réponse. C'est Virgin Radio. Et Camille Combal vous paiera 50 ans de loyer. Wow. Oh là là. Ah, c'est pas vrai. Hein. C'est pas possible. Un loyer payé pendant 50 ans. 50 ans. Impatient de vous offrir ça, les copains. Dans 2 heures, pour être le grand gagnant des 50 ans de loyer, inscrivez-vous maintenant au 7-12-13. Code loyer. Les amis, ce SMS va peut-être changer votre vie. Tout de suite, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Bienvenue à vous tous les amis, bienvenue sur Virgin Radio. Peut-être que vous nous suivez tous les matins et un grand merci à vous pour votre fidélité. Ça nous fait tellement plaisir d'être là à vos côtés chaque matin. Puis pour les petits nouveaux qui nous écoutent peut-être pour la première fois pour ces 50 ans de loyer, forcément je vois le nombre d'SMS que je reçois même à titre personnel. Oui. Avec Camille, un espace et votre demande pour le loyer. Je vois que vous êtes très très nombreux et vous espérez tous avoir ce beau cadeau. Je vous souhaite bonne chance, sincèrement. En tous les cas, si vous vous êtes inscrit, loyer au 7-12-13, ça veut dire que vous êtes forcément inscrit pour le tirage de 8h20, mais aussi pour ce tirage-là. Alors j'aurais jamais cru dire ça. Quoi qu'il arrive, ne soyez pas déçus de gagner qu'un mois de loyer. Bah oui. C'est déjà un très beau cadeau. Oui. Et puis vraiment, et là je suis honnête, c'est un autre tirage au sort qui remonte sur 3 semaines de SMS tout à l'heure. Donc quoi qu'il arrive, la probabilité est faible comme pour tous les SMS, mais vous pouvez tout à fait être gagnant là ou à 7h20. et gagnant une heure après. On retirera au sort parmi les mêmes SMS, Clément. Faut bien le préciser en appelant, parce que t'imagines là, pas trop réveillé, tu viens de t'inscrire, tu crois qu'on t'appelle et tu. Tu m'étonnes. Tu dis, ouais, un mois, c'est quand même génial. Si à 6h20, tu crois qu'il est 8h20, t'es pas très réveillé. T'es vraiment dans le dur, on sait jamais. Émotion. Bon, en même temps, c'est vendredi, c'est dur pour tout le monde. Je vous souhaite beaucoup de courage. Clément, Pauline, Laure. Oui, oui. Moi, je peux plus. Hein. Moi, je le fais là, mais je suis sur 8h20, je ne suis pas bien. Je suis en border vagal, malaise vagal. Ça sonne, Laure, je sais, oui, merci. Oui, ça sonne. On a un petit nom. Allô, allô, bonjour. Bonjour. Salut. Est-ce que c'est Philou qui est là? Ouais, exactement, c'est Philou. Comment tu vas, Philou? Philippe, hein? Bah, nickel. Philippe. Avec un appel comme ça, c'est le top. Bah, je suis très heureux de te parler. Je te pose déjà la question, c'est important. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer, Philou? Eh bien, c'est Virgin Radio, bien sûr. Oh là là là là. Mais c'est top, c'est top. Ah, je suis heureux. Tu viens d'où, mon Philou? Mais moi, je suis à côté de Bordeaux, Saint-Loubès. Ah, super sympa. Ah ben, Saint-Loubès, écoute, près de chez Pauline, il y a son chéri William, hein, qui vit là-bas, à Bordeaux, d'accord. Et elle est de là-bas. Elle y retourne tous les week-ends, ma petite popo. Super ville. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis policier. Oh, bah alors, tu dois connaître Willou la cartouche. Ah, c'est le mec de Pauline, tu dois forcément connaître Willou la cartouche. Hein. Oh, il fait pas beaucoup de bêtises. Écoute. Peut-être que, je sais pas, là ça me dirait comme ça, mais peut-être troisième. Philou, t'as un loyer de combien là-bas du côté de Bordeaux? Moi je suis à 1030€. 1030€, eh ben je suis très heureux, je te fais le chèque tout de suite, t'as gagné. C'est déjà super bien, c'est ce qu'on fait tous les matins. Tous les matins, ça, même dès lundi on reprendra, 6h20, 7h20, 8h20. Et puis en plus, tu l'as compris, comme tout le monde, t'as autant de chances de tout le monde d'être retiré au sort dans 1h55 minutes et 54 secondes. H-2. Philou, tu m'as dit quoi? T'espères être tiré au sort? Ah ben oui, mais bien sûr, tu vas me rappeler dans 1h55. Eh ben écoute, vraiment, je te souhaite bonne chance, mon poteau. Et en plus, avec tout ce qui se passe en ce moment et avec toutes les heures que vous faites, un policier, un gendarme ou quoi, ben je suis très très... Je sais que vous nous écoutez nombreux le matin et même très tôt. Voilà, je suis très heureux de t'offrir ton loyer, vous en avez bien besoin. Je t'embrasse, mon Philou. C'est bien gentil, je te remercie. Passe une belle journée, mon pote. Merci à toi. On embrasse les auditeurs du côté de Bordeaux. Et bien sûr, Willou la cartouche. Bien sûr. Imani, don't be so shy. Voilà ce qui arrive tout de suite dans le Virgin Tonic. Tonic. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side, you feel my heat on your skin. Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father, don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command, can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side, I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father, don't ask me why, you're right. My heart just raced so much faster, I dropped myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, here so much closer. In the dark, I see your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right. Take off my glove, oh bless me Father, don't ask me why, you're right. Take off my clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right. Take off my clothes and bless me further, don't ask me why. Bon réveil à vous tous sur Virgin Radio. Merci de nous avoir choisis. Excusez-nous, on petit-déjeune, on est pareil que vous, je sais que vous êtes très nombreux encore au petit-déj, tranquillement, peut-être en train de le préparer aussi pour toute la famille. Courage à ceux qui sont déjà en voiture, c'est le 16 septembre aujourd'hui, le vendredi. Les yeux, c'est un peu plus dur le vendredi, forcément, mais on est là à vos côtés. Il y a Laure, il y a Clément. Bonjour. Il y a la popo du standard. Oui, je voudrais lancer un hashtag. Oui. Ok. Mon hashtag, il va forcément parler des 50 ans de loyer. Hashtag Cabi Combal offre 50 ans de loyer. Ouais. Il faut que vous le mettiez en TT Monde. Oui, ouais. Pas en TT France. Vous le faites tous les matins et un grand merci d'être si nombreux sur les réseaux. Pas en TT Europe Scandinave. Non. Parce qu'on n'est pas, on n'aimait pas là-bas, donc ça ne nous sert à rien. TT Monde. Okay. On va en TT Monde. Hashtag Cabi Combal offre 50 ans de loyer. On est comme des dingues, on parle beaucoup de ça, mais vous rendez compte que grâce à Virgin Radio, surtout grâce à vous, parce que si vous n'étiez pas aussi nombreux à nous écouter, on ne pourrait pas. On va faire le plus gros chèque qui a jamais été fait par une radio au monde. Quand même, c'est fou. Au monde entier, il n'y a jamais une radio n'a fait un chèque du montant qu'on va faire. C'est quand même hallucinant, Clément. Ouais, parce qu'on n'est pas obligé de le payer en loyer. C'est l'équivalence du loyer, mais on peut faire ce qu'on veut. On fait ce qu'on peut réaliser nos rêves. On peut vous envoyer en petite coupure. De 20 dollars. De 20 dollars ouais. Directement à domicile, bien sûr. Clément. Si je prends par exemple 800 000 euros, je pense que le premier truc que je fais, je crée un site de rencontre. Ah. Enfin, je finance, je deviens un peu comme ça et je chope les numéros en même temps. Par la même occasion, mais je suis le créateur de mon nouveau site de rencontre. Mmh. Ah, mmh. En même temps, je pense que si tu crées un site de rencontre, genre très très très connu, je pense que t'as plus besoin de prendre les portables sur le site, les filles te trouvent. Hein. Adopte un roux. Non, je pense. Bon, qu'est-ce que vous faites? Tiens, vous gagnez 50 ans de loyer, peu importe votre loyer, ça fait, allez, on va dire, entre aux alentours des 500 000 euros. Ouais. 500 000 euros, vous en faites quoi, premier truc? Tiens, ma petite Laure. Alors, moi, j'achète l'appart au-dessus de chez moi, je fais une chambre pour mes chaussures, une pièce ambiance salle de sport, une chambre genre salon de coiffure, je fais une salle de bain spa. Et dans le salon salle à manger, je fais un immense dressing qui sera la pièce maîtresse de l'appartement. D'accord. Wow. Je crois que ça s'appelle Ikea. Achète un Ikea, c'est beaucoup plus simple. Tiens, on va demander, hein, là, ils n'ont pas besoin de réfléchir. On vous dit, tiens, je te donne un chèque de 500 000 euros. Le truc dont que tu rêves d'acheter et vous réagissez avec le hashtag Cabi Combal offre 50 ans de loyer. On va lire tous les meilleurs. On vous rappelle en direct ce matin. Delphine, bonjour. Coucou mon petit Camille, coucou tout le monde. Salut. Coucou. Delphine Ounas, dis-moi tout ma Delphine Ounas. Alors, qu'est-ce que tu ferais toi, 500 000 euros demain? Oh, bah écoute, moi je suis un peu comme dans la pub Lotto. Je pars en vacances le jour où tout le monde revient de vacances. Et sur la route, je fais des coucous à tout le monde, je nargue tout le monde. Oh. Bah préviens-moi ce jour-là. Ok bébé. Bah ouais. Comme dans la pub Lotto, t'irais voir ton patron en caleçon en chantant? Bah écoute, ça pourrait être un petit kiff et faire une petite chenille en repartant avec tous les collègues, ouais, pourquoi pas. Vous croyez que Macron, quand il a posé sa dème, il a fait « au revoir, président, au revoir, président ». Les amis, restez avec nous, je veux qu'il y ait plein de monde qui réagisse, je veux qu'on s'amuse, je veux qu'on rêve un peu. Il n'y aura qu'un gagnant, qu'une gagnante, et parmi vous tous, c'est le plus important. Mais j'ai envie qu'on rêve tous ce matin. Oui, ouais. On se dit, tiens, 500 000 euros, on en fait quoi? On va jouer le jeu, vous aussi. Inscrivez-vous sur Twitter, réagissez, puis on vous rappelle au 3916. Tous nos journalistes, c'est parti, vous font l'actu. Julie à Marseille, Maxime à Lyon, Thierry à Rennes, Eve à Bordeaux et plein de monde, ils sont plus de 60. Je vais leur lancer un petit défi. Ah. Tout de suite. Vous faites votre journal, excusez-moi, votre journal d'ailleurs. Oui. Là maintenant, vos infos. Et à la fin du JT, je veux que vous disiez, c'était les infos. Je suis donc, par exemple, je suis Hélène Pénaud de Clermont-Ferrand. Mm-hmm. Et le soir, avant de me coucher, je sens mes chaussettes. Je veux que tous les flashs terminent par cette phrase. Oh là là. Je suis Pénaud, c'était l'info. Et tous les soirs, avant de me coucher, je sens mes chaussettes. D'accord. Okay. Oui. On verra s'ils le font. On va checker tout ça. Bon réveil à vous tous. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, un ciel couvert encore aujourd'hui sur tout le pays, de belles éclaircies sur la Bretagne, mais des nuages et des averses partout ailleurs, avec aussi des orages attendus sur les régions de l'Est. 20 degrés en moyenne cet après-midi, 17 à Brest, 18 à Bordeaux, 22 à Marseille. 62 personnes interpellées, 32 individus placés en garde à vue. La journée de manifestation contre la loi travail a été marquée par des incidents à Paris en province, violence à Nantes, Rennes, Rouen, Grenoble, Toulouse ou encore Montpellier. Au moins 4 manifestants et 15 policiers blessés lors d'échauffourées entre des jeunes et des CRS. Le jugement est tombé cette nuit à Bastia au procès de la RIX de cet été à Ciscou en Haute-Corse. Moustapha Benadou a été condamné à 2 ans de prison ferme pour violence avec arme. Les 4 autres prévenus ont écopé de peine avec sursis. Les dirigeants européens se réunissent aujourd'hui à Bratislava, un seul pays absent, le Royaume-Uni, qui a voté son départ de l'Union européenne. C'est justement pour tracer les contours de l'Europe post-Brexit que les 27 se retrouvent. Objectif, esquisser une feuille de route. Londres qui a donné son feu vert au projet de construction de 2 EPR. C'est une excellente nouvelle pour EDF. Le contrat géant qui sauve la filière française, titre Les Échos. Contrat à plus de 21 milliards d'euros. Je parlais d'Europe à l'instant, et bien Bruxelles s'apprendra à prendre une décision positive concernant le déploiement d'Internet en France, plus précisément le plan France Très Haut Débit, qui vise une couverture intégrale du territoire en Internet ultra rapide d'ici à 2022, avec une étape intermédiaire à 50% de foyers couverts dès l'an prochain. Il n'est pas trop tard pour retenter votre chance. Vous avez jusqu'à 8h10 ce matin pour espérer gagner 50 ans de loyer. Aucune mensualité à payer jusqu'en 2066. C'est ce que vous offre Camille Combal ce matin dans Virgin Tonic. Envoyez loyer au 7-12-13. Tirage au sort à 8h20. Parmi les nouveautés du jour côté musique, la nouvelle compile de Virgin Radio, Virgin Tonic saison 2016-2017, en digital et sur 3 CD. Pas moins de 66 titres. Sia, Imani, Major Lazer, The Avener, Synapson, Jonas Blue, Jane et plein d'autres. Une compile à gagner toutes les 10 minutes dès ce matin et tout ce week-end sur Virgin Radio. En sport, le PSG se déplace à Caen ce soir pour le match d'ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Les footballeurs monégasques recevront les joueurs de Rennes demain dès 17h avant les autres rencontres dans la soirée puis dimanche. Marseille accueillera Lyon au match de clôture. Nice a été battu 1-0 par Shaq Nulfir hier en Ligue Europa. Saint-Etienne a sauvé sa soirée par un match nul 1-0 à Mayence. Enfin du rugby ce week-end, la 5e journée du top 14. Premier coup de sifflet demain, Lyon-Toulouse dès 14h45. Voilà pour l'actu. Tout de suite c'est Virgin Tonic. Très bon réveil. À vous tous pour cette fin de semaine. Je sais que c'est toujours un peu plus difficile d'ouvrir les yeux, d'avoir le sourire, de partir bosser, de préparer le petit-déj pour toute la famille, de partir au collège, au lycée. C'est pour ça qu'on est là avec vous et encore plus le vendredi. Chaque matin en direct, 6h, 9h, il est 6h34 précise. Les amis, on est à 1h45 et 38 secondes d'offrir le plus gros cadeau jamais offert sur une radio en France avec Laure. Salut. Avec Clément. Bonjour. Avec la Popo. Coucou. Du standard. Et Popo, elle a raison. Pendant le flash, elle me le répétait, elle me dit attention quand même. C'est bien beau, 50 ans de loyer. Mais on a un iPhone 7 aussi. Eh oui. Il sort quand l'iPhone 7? Aujourd'hui. Aujourd'hui, deux jours avant mon anniv. Ah, ça tombe bien. Fruit du hasard? Je ne crois pas. Il doit coûter une blinde encore, je n'ai pas regardé. Ouais. En 800. Tous les cas, combien? 800, je crois. 800. Ouais, 749, ouais. Premier prix, je crois. Premier prix. Ah ben. Cher, hein. Bon, ça me va, hein, premier prix, voilà. N'hésitez pas. Non, les amis, très très cher, mais nous on vous l'offre complètement ce matin, une nouvelle fois, 39-16. On a aussi une tablette Polaroid, tiens, on va jouer avec vous d'ici 3 minutes à peine pour une tablette Polaroid, c'est le 39-16 aussi. Je vous souhaite un excellent réveil, et Lionel qui est avec nous, parce qu'on vous rappelle, tout au long de l'émission, on a lancé un hashtag, Camille Combal vous paie 50 ans de loyer. Ouais, mais c'est ce qu'on fait ce matin, donc juste on s'amuse. Dites-nous ce que vous ferez là, je vous fais un chèque de 50 ans de loyer comme je le ferai à l'un d'entre vous à 8h20. Comment vous le dépenseriez? Tu ferais quoi toi Lionel? Salut mon poteau. Salut Camille, salut. Salut. Bah écoute, moi c'est extrêmement simple, moi je me refais une santé au niveau belle montre, belle chemise, belle voiture. Et en fait je continue tout comme avant, mais en vachement plus classe. Lionel, je crois que c'est la meilleure mentalité. Même femme hein, quand même, j'espère. Hein, oui. Pas, on garde la femme. Ah bah oui, on la coupe des cadeaux. Bah oui, ah bah ouais, ah. Mais je trouve génial l'idée de juste de dire, je suis hyper heureux, je veux la même vie, mais genre une gamme au-dessus. C'est-à-dire j'étais prix normaux. Je veux le marque repère. Je veux passer à nos régions du talent, quoi. Je veux voilà. Le truc, voilà. C'est un truc de dingue. Oui, ma petite popo standard. Ça fait H&M, Hugo Boss, quoi. Enfin, ah mais vois, ouais. C'est le. Bah, Hugo Boss, c'est la grande classe. Ouais. Ouais. Ouais. Mais c'est génial. Top grade tout. C'est génial. Super, mon Lionel. Eh ben, écoute, je te souhaite bonne chance. Si t'es inscrit, je t'aurai peut-être au téléphone à 8h20, d'accord? Eh ben, je garde mon téléphone à côté de moi. Tu m'appelles quand tu veux. À tout à l'heure, mon poteau. À tout à l'heure, peut-être. J'espère, en tout cas. Et oui, gardez bien votre téléphone. Tout à l'heure, on appelle. Vous ne décrochez pas, malheureusement. On appellera quelqu'un d'autre. Bah oui. On pourra pas vous rappeler trois fois pour que vous décrochiez. 21 Pilots, je vous le fais écouter dans un instant pour le pop rock électro. Mais pour le moment, c'est la réponse à tout. Réponse à tout. Clément descend dans la rue, pose des questions aux enfants chaque matin et ils ont toujours réponse à tous les enfants. Surtout quand on parle du loyer, puisqu'on vous met à l'aise 50 ans, je leur ai demandé, mais vous, à votre avis, vous serez où? À votre avis. Un lancement par jour. Hein. Un lancement par jour, il arrive à le louper. À votre avis, vous serez où dans 50 ans? Vous serez comment, à votre avis, dans 50 ans aujourd'hui, là? Sur un terrain de foot. En train de faire quoi? Bronzer. Tu bronzes sur le terrain de foot? Ouais. Pourquoi? Après le sport, le réconfort. Tu te vois où dans 50 ans? Je serai au commissariat. Pourquoi ? Bah, j'aurais sûrement fait des bêtises. Et vous, alors, les filles, vous serez où dans 50 ans ? Bah, je sais pas, moi, à Los Angeles et... Et tu ferais quoi de ta vie ? Je suis pas mère au foyer. Combien d'enfants ? Deux. Ils s'appelleraient comment ? Jason et Ruby. Jason et Ruby ? Oui. Des vrais petits Américains. Et toi, alors, dans 50 ans, tu t'imagines où ? Avec mes copines. En train de faire quoi ? Du shopping. Des sacs, des chaussures. Et physiquement, qu'est-ce qui aura changé ? Vous imaginez comment dans 50 ans ? J'aurais peut-être des rides. Et un peu courbé. Comme Julien ? Franchement, je m'imagine vieux, avec des rides et tout. Moi, beau gosse. C'est-à-dire ? Bah, sans rides, avec plein de muscles, les yeux bleus, mais sans chirurgie. Pareil, musclé, beau gosse. On est quand même déjà pas mal beau gosse. Réponse à tout ! Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin. 21 Pilots Ride. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Excellente matinée sur Virgin. Hey, this is 21 Pilots on Virgin Tonic. Tonic. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. Sometimes, yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But there don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home which are talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever give? Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I've been thinking too much. Merci. On a Footix dans le studio, les amis. Restez avec nous sur Virgin 7h20. Vendredi 16 septembre, on est en train de craquer nerveusement. L'idée, je vous dis, c'est quand même Nico du bureau qui est le responsable de l'émission, qui est en train de faire la poule au fond du studio. Mais non, c'est Rasta Blanc. Hein, Rasta Blanc. Ah non, c'est une poule, hein. C'est personnel. Attention, elle est peut-être Rasta, mais ça reste une poule. On est en nervosité absolue et forcément, on vous offre le plus gros cadeau jamais offert sur une radio. On est tellement heureux d'être là avec vous chaque matin jusqu'à 9h avec des beaux cadeaux. Une tablette Polaroid, dernier cri, la toute dernière, c'est à gagner maintenant. Il faut battre toute l'équipe de bras cassés, Pauline, Clément et Laure, au passe à ton voisin, jingle. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Oh, oh, oh, oh, oh. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Oh, oh, oh, oh. Alors. Le passe à ton voisin, c'est très simple. On le fait aussi à la télé, hein, dans Il en pense quoi Camille, chaque soir sur C8 en direct à 18h10 et de retour ce soir. On le fait, mais les vrais professionnels du passe à ton voisin, ils sont là devant moi. Là, c'est les pros, quoi. Hein. Là, c'est la Ligue des champions, quoi. Hein. Ils sont là, il va falloir les battre. Le principe est simple, je vous donne un thème, vous ne le connaissez pas l'équipe. Bien sûr. Manu, qui est avec nous au 3916, ne le connaît pas non plus. Salut Manu. Salut Camille, salut l'équipe. Salut. Salut. Salut mon poteau. Alors c'est très simple, Manu, tu viens d'où déjà? Moi je viens de l'Allier. D'accord, je vais te donner un thème dans l'Allier. Je te donne D'accord. un thème. 5 secondes maximum pour me donner une bonne réponse. Sinon, éliminé à la fin, il n'en restera qu'un. Comme dans Highlander. Si c'est toi Manu, c'est gagné, d'accord? Ça marche, je t'écoute. On y va, c'est parti. Laure, Clément, Pauline oui. et Manu, ce sera ça l'ordre. Et ainsi okay. de suite jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Top chrono, ça se recharge Laure. Un portable. Oui. Des bouteilles en soirée. Je recharge. Non. Bah, le patron de la radio il dit toujours ça. Et tu retournes en soirée Clément. Directement éliminé. Pauline. Un ordi ça se recharge. Manu. Zut, elle m'a pris mon truc. Une lampe. Ah, une lampe à huile. Oui. Allez, une lampe à huile. Parce que je t'aime, Manu. Parce que j'aime l'allier, je te l'accorde. Laure. Des piles. Piles, ça se recharge. Pauline. Brosse à dents électriques. Ça se recharge. Manu. Alors là, j'ai tout perdu, là. Ça se recharge. Manu, recharge. À tout hasard, t'avais pas juste l'ordi en réponse et tu comptais gagner le jeu avec juste un ordinateur. J'ai pris l'ordi déjà. Ah là. Malheureusement, alors, c'est perdu pour Manu. Je suis gentil, je vais donner une deuxième chance. Ah, ça c'est sympa. Attention, un autre thème. On y va, on refait le même ordre. Top chrono, on le fait au feu rouge, Laure. Se décrotter le nez. Oui. Ah, moi non, mais. Ouais. Bah on s'arrête. On s'arrête, j'allais dire ça aussi, Pauline. On se maquille, les filles. Eh oui, Manu. On se recoiffe. Laure. On répond à ses messages. Oui, Clément. On se regarde dans le rétro. Ouais. Pauline. On fait une sieste. Bien sûr. On fait rouge, ouais. C'est micro-sieste, bien sûr. Je rappelle, t'as le permis, hein. Pas du tout. Eh oui, bah oui, je comprends bien pourquoi. Manu, attention, j'espère que t'as le temps de réfléchir à une réponse. On le fait au feu rouge, top chrono. Ah bah on regarde la voisine dans la voiture. Bah voilà ce que j'attendais de Manu. Bah bien sûr Laure. On fait un jeu pour savoir à quel moment le feu va passer au vert. Ok Clément. On fait ronronner le moteur. Vous. Ah ils sont bons hein. Manu. Ah dans le même truc, allez on fait patiner les roues arrière. Très bien. Laure. On s'ennuie. Bah écoute, c'est. Pas nous, c'est éliminé. C'est éliminé. Ça se joue maintenant face à Clément et Manu. Top chrono. Clément, on le fait au feu rouge, très vite. On repasse la première. On repasse le linge, bien sûr. On repasse ses chemises. Le levier de vitesse. Ouais, bien sûr. Exactement. Bonne journée à vous, c'est gagné pour Manu. Félicitations. Ah Manu, je t'offre un beau cadeau. Alors et vraiment, c'est un très très beau cadeau. Mais tous les cadeaux semblent pas terribles ce matin, puisque vraiment à 8h20 on vous offre 50 ans de loyer. Donc, mais ça reste des cadeaux magnifiques qu'on vous offre quand même. C'est une tablette tactile Polaroid pure 10.6 pouces, haute définition avec les deux haut-parleurs. Elle est vraiment vraiment très belle. Manu, je suis très heureux de te faire ce cadeau, d'accord? Ah moi je suis super content de me le faire offrir. Par contre, comment ça se fait que tu me rappelles pas 8h20 quoi? Ah bah c'est peut-être que ce sera toi le gagnant des 50 ans de loyer. Bon Manu, peut-être que je t'aurai au téléphone. C'est tout ce que je te souhaite mon pote, comme à vous tous qui m'écoutez. Eh oui, c'est le Virgin Tonic en direct avec vous et Koums dans Tuno. Bon réveil, 7h moins le quart. No. Big city,

aujourd'hui le 16 septembre. Vous êtes dans le Virgin Tonic, l'équipe est là bien sûr. Oui. J'espère que vous aussi ça va. Bientôt 7h, 6h54 exactement. À 7h, un point complet sur l'actu. 7h05, la question de ouf qui arrive enfin. Tous les jours, un répondeur 01 84 07 08 09 vous est dédié, on vous pose une question et on passe les meilleurs messages le lendemain matin. Laure Clément Popo, oui. Présent. Vous savez ce qu'on offre quand même aujourd'hui? Oui. Et oui, on vous offre un cadre numérique. Alors, on vous offre 50 ans de loyer, les amis. Alors, je m'amuse à faire des calculs depuis tout à l'heure. Ouais. Je calcule en fonction d'à peu près tous les loyers que vous avez. Hein, parce que loyer ou mensualité de crédit, vous êtes propriétaire, ça marchera très bien aussi. Et en fait, on vous fait un chèque de x12 x 50. C'est et fou. Ça vous donne 50 ans. On vous fait le chèque en une fois, c'est important de préciser. Vous le dépensez comme vous voulez, l'argent, Clément. Et donc, s'il y a quelqu'un qui a un loyer de 645 euros, t'as compté? Je prends ma petite tablette, pipa pipa poum, 387 000 euros. Voilà le chèque que je vais vous faire. Quoi qu'il arrive, on offrira le plus gros chèque jamais offert sur une radio en France. Génial. Et 387 000 euros, tu t'achètes quoi avec? Laisse-moi calculer une seconde. Okay. J'ai un prix là. 77 400 paires de collants. Ah, ça m'intéresse. Ça me sauverait. Et, bah, vous pouvez enfiler là. Hein. On partage. Vous pouvez enfiler du collant là. Il y a du stock. Ouais. Attention. Ah, j'ai un bon truc. Oui. Ouais. 7900 tableaux de Audrey Bird chez Ikea. Ah, le fameux. Bah, le fameux. Vous savez, ce cadre qui était sympa, puis que en fait, dès que tu vas chez un pote, il l'a, et que Valérie Damido a mis dans 942 chambres sur M6. Il n'y a pas une chambre où Valérie Damido a dit ça te plaît, mon chéri? Et il n'y avait pas un cadre d'Audrey Bird acheté chez Ikea. L'or, pardon. C'est vraiment le truc, mais grillé. C'est-à-dire, c'est le truc à des kilomètres, tu sais que c'est Ikea, quoi. Ça fait partie des meubles. Eh, mais attendez, Laure, toi qui adore Ikea en plus, on a tous. Ouais. Quelque chose en nous de télé, si ça déjà, ça c'est pas moi qui le dis. Mais on a tous un truc. Tu vas chez quelqu'un, tu le vois, tu sais que c'est Ikea parce que tout le monde l'a. Moi, le truc que je grille à des kilomètres, c'est la commode Malm. Tout le monde a cette commode. C'est la commode quand tu t'installes, parce qu'en fait, elle est très bon rapport qualité-prix. Elle est pas trop chère par rapport à la qualité. Donc c'est la commode. Ah, c'est celle avec, il y a pas de tiroir, il y a juste des encoches au-dessus là. Exactement. Non, moi j'ai un truc que tout le monde a. Oui. C'est quoi? Laure, tu vas tout de suite capter. Laure, c'est vraiment fan absolu d'Ikea. Tiens, on va prendre des gens avec nous à l'antenne. On a qu'à prendre Nico, on a qu'à prendre déjà Séverine. Salut tous les deux. Salut. Bonjour toute l'équipe. Bienvenue au 39-16 les bichons. Peut-être que vous aussi, vous allez pouvoir vous amuser avec nous. Le truc, tu sais que tu l'as, tu sais que tout le monde sait que ça vient de chez Ikea. Moi, c'est le meuble de télé rouge en métal. En métal. Moi, j'ai envie. Ah ouais. Je sais même pas qu'il existe envie, tout le monde l'a rouge. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas un pote à moi, Nico, du bureau là. Je l'ai aussi, Il n'y a pas un pote à moi qui l'a pas. Ouais. Donc, c'est ton meuble télé quand t'es étudiant. Après, ça devient un peu ton meuble à chaussures. Puis, à un moment donné, tu déménages, ça redevient ton meuble télé quelques mois. Parce que, de toute façon, il y a toujours les trous à la perceuse que t'avais fait pour pouvoir passer le câble. Donc, tu te dis, autant en faire un truc. C'est incroyable, Laure. Et pour finir, il est à la cave en rangement. Moi, c'est comme ça qu'il a terminé celui-là. Ah, ben il est à la cave. Ouais. Mais tu l'as, bah, forcément. Clément, est-ce que t'as un meuble Ikea? Tu sais, voilà, tu arrives chez un pote, tu vois ça, tu sais que c'est Ikea. Moi, je vois, je crois que c'est LAC, mais je suis pas sûr du nom. Les petites tables basses. Oui, bah LAC. Ah oui. LAC. C'est ça. Hein, les petites avec les tout petits pieds. Les petites tables basses, vous savez, c'est juste, c'est vraiment, ils vendent 4 planches de contreplaqué. Tu visses les trucs en 5 minutes, elle est montée. T'as même pas 5 minutes. Ouais. En 1 minute, ta table est montée. Vous voyez ce que c'est, Nico, Séverine? Ah oui, ouais, tout à fait. J'ai mis 1h30 quand même à la montée. Non, c'est la table basse là, c'est vraiment la table basse d'étudiants. Ouais, c'est et ça. Et après, tu gardes, tu dis, ah, ça sert. C'est ça. Ça fait table d'appoint. Y a pas un meuble comme moi, ça, j'en Nico? Une comme ça, table ah, vas-y, mon Nico, vas-y. Moi, j'en ai une comme ça, table basse. Ah, t'en as une? Un truc basique. Ah ouais, ben oui. Mais est-ce à 20 euros, la table basse, on la prend. Hein. Mais bien sûr. Et en plus, elle dure. Ah oui, bien sauf sûr. Quand tu perds la PlayStation. Parce qu'un coup de talon dans la table te casse la table. C'est une table qui n'est pas faite pour mettre en face d'une PlayStation. Ça, c'est sûr et certain. Nico, il y a un meuble comme ça, t'arrives chez un pote, tu vois le meuble, tu sais que c'est Ikea. Ah ben moi, si tu veux, c'est pas un meuble, c'est plutôt un accessoire. C'est quand tu vois, tu sais, les petites bougies à LED là, avec les mèches qui bougent. Je l'ai. Je les ai. Et ça, tu sais que ça vient de chez Ikea. Et en plus, tu sais, pour les roupas romantiques, la tire, elle tombe pas sur la nappe, c'est trop bien, quoi. Ah non, mais moi, je les ai, ça. Je les ai. Voilà, tu as un petit bouton en dessous, c'est à pile, et t'as l'impression que c'est bougie, mais c'est joli en plus. Oui. Ouais, c'est ça. Ah, j'adore, moi. Oui, Popo. Mais t'as aussi les vrais, les bougies chauffe-plat, là, vendues par 30. Les photos forts. Oui, tout le monde. Non, les bougies. Oui, mais après, ça va dans les photos forts. Oui, exactement. Oui. Je vois exactement, t'as les sous de plat, là. C'est ça. Et t'as la lanterne. Personne ne part de chez Ikea sans acheter ça. Mais oui, c'est clair. Non, mais c'est pas un truc de dingue. Oui. On se dit tous, ah, ça sert. Ah, ça va servir un jour. C'est quoi, toi, Séverine? Il y a un meuble, toi aussi, t'arrives chez une copine, forcément, c'est un meuble Ikea? Alors, un meuble, c'est aussi un accessoire. Et en fait, quand je vais chez des amis et que je vois les coussins rouges en forme de cœur avec les bras. Mais bien sûr. Ah, c'est Ikea, ça. Bah oui. Bah oui, c'est Ikea. Je savais pas. Bah oui. Moi, j'en ai un dernier, si vous voulez. C'est quoi, ouais. Toutes les filles l'ont eu. C'est trop mignon. Séverine, tu vas me confirmer ça. Toutes les filles l'ont eu. Mmh. Accroché à la porte de la salle de bain, le miroir zigzag. Non mais les gars. Nico, tu vois ou pas? Ouais, je vois très très bien, moi. Oh là là, si t'en mets trois, on dirait l'océan. C'est vrai, on dirait l'océan, le miroir zigzag. Merci Nico, merci Séverine, restez avec nous, on va faire un point sur l'actu. Alors, on aime bien lancer des petits défis à nos journalistes. Il y en a qui jouent le jeu, heureusement quand même. Hein. Je me suis amusé, j'ai dit à la fin des flashs, vous devez tous dire c'était le flash avec mm-hmm. Et moi le soir je sens mes chaussettes. On va vérifier s'ils l'ont fait parce que voilà, je vous explique, on a plus de 60 journalistes partout hein. Là au moment où je lance les infos, l'antenne part dans plein de régions et plus de 60 journalistes vous font l'actu. Écoutez un petit peu ce que ça donne. Et c'était les infos, je suis Julie Pierret. Tous les soirs avant de me coucher, je sens mes pieds et ils sont assez bons, mon réveil. C'était les infos avec Maxime Choche. Et tous les soirs bien sûr, je sens mes chaussettes qui puent le fromage. Je vous parle de mes chaussettes, mais moi pas de chance, je porte que des sockets. Donc je pourrais dire. Mais c'est génial, merci à vous tous de jouer le jeu. Je vous lancerai un autre défi d'ici une demi-heure. Restez là à tous nos journalistes. Merci vraiment d'avoir choisi le Virgin Tonic pour bien démarrer vos journées. Le vendredi, c'est forcément un peu plus difficile. On est là pour vous. Coldplay, Hymn Force de vendredi. Voilà ce qui arrive dans un instant, bougez pas. Your radio. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous. D'abord la météo avec beaucoup d'instabilité aujourd'hui sur tout le pays. Des éclaircies sur la Bretagne mais de la pluie partout ailleurs. Pas d'alerte mais des orages attendus sur toute la moitié est. Vous aurez 20 degrés cet après-midi à Paris, 21 à Lyon, 22 à Marseille et 25 à Perpignan. Le tribunal correctionnel de Bastia a rendu son jugement dans le procès de la RICS survenu cet été à Ciscou en Corse. 5 prévenus, l'un d'eux, Mustapha Benadou, a été condamné à 2 ans de prison ferme pour violence avec arme. Les autres ont écopé de peine avec sursis. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé hier contre la loi travail. 169 manifestations à travers toute la France. Des incidents ont éclaté à Paris, Nantes, Rennes, Rouen, Grenoble, Toulouse et Montpellier. Au moins 4 manifestants et 15 policiers blessés. 32 individus gardés à vue. Les policiers qui ne sont pas au-dessus des lois, c'est le sens du rappel à l'ordre adressé par la préfecture de police de Paris à ses fonctionnaires. Véhicules de service garés n'importe où, excès de vitesse, autres feux rouges grillés sans raison. Les policiers sont priés de régler eux-mêmes leur PV et surtout de réserver l'usage du gyrophare et de la sirène uniquement aux interventions urgentes. À propos de voitures, les Français sont de plus en plus branchés par l'électrique. C'est ce qui ressort du sondage Ipsos publié ce matin dans Le Parisien. 35% des Français se disent prêts à passer aux véhicules électriques, principaux freins pour l'instant, le prix et l'autonomie des véhicules. Une excellente nouvelle pour la filière nucléaire française. EDF a obtenu le feu vert de Londres pour lancer la construction de 2 réacteurs EPR en Grande-Bretagne. Un chantier à plus de 21 milliards d'euros. Autre bonne nouvelle, cette fois pour Dassault Aviation. L'Inde sur le point de finaliser son énorme commande de 36 avions Rafale. C'est l'événement radio de cette rentrée. Camille Combal et Virgin Radio vont offrir 50 ans de loyer à un auditeur tiré au hasard ce matin à 8h20. Vous pouvez encore vous inscrire pour participer. C'est simple, il suffit d'envoyer dès maintenant loyer au 7-12-13. Et surtout de bien rester joignable. Virgin Radio qui vous fait gagner aussi aujourd'hui l'iPhone 7 à l'occasion de sa sortie en boutique. Un smartphone entre 769 et 1129 euros selon la taille et sa mémoire. Et attention, il est déjà en rupture de stock. Du foot, le coup d'envoi ce soir de la 5e journée de Ligue 1. Quand on reçoit le PSG à 20h45, Monaco, le leader, recevra Rennes demain dès 17h. Nice jouera dimanche après-midi à Montpellier. Nice battu 1-0 par Shakhtar Donetsk hier soir en Ligue Europa. Tandis que Saint-Etienne et Mayence se sont séparés sur un nul, 1 partout. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal et toute son équipe. Très bon réveil sur Virgin Radio. Merci de nous avoir... encore choisi, les amis, soyez les bienvenus. Vous êtes ici à la maison, vous êtes ici chez vous. C'est le Virgin Tonic, 6h-9h chaque matin sur Virgin Radio. Laissez-moi vous présenter Laure. Salut les copains. Laissez-moi vous présenter Clément. Bonjour. On vous présente aussi la Popo du Standard. Coucou la compagnie. La Pauline du Standard, c'est le 39-16 pour la joindre tout au long de la matinée. N'hésitez pas, on a lancé un hashtag. Camille Combal vous offre 50 ans de loyer. Camille Combal offre 50 ans de loyer. Continuez de réagir, on vous passe sur l'antenne. Qu'est-ce que vous feriez avec un chèque de 50 ans de loyer, puisque ça y est, ça approche, hein. 50 ans de loyer. H-1. Eh non, H-1 heure, 15 minutes et 19 secondes exactement. Voilà le temps qui nous sépare du plus gros chèque jamais réalisé par une radio en France. On est comme des dingues, franchement. On est comme des fous depuis ce matin, depuis qu'on a ouvert les yeux. On n'a pas beaucoup dormi. On va faire un heureux, je le sais. Puis quoi qu'il arrive, tirage à 7h20. Vous vous inscrivez, un loyer au 7-12-13 par SMS. Il n'est pas trop tard. Vous avez jusqu'à la dernière seconde, 8h20. Pour vous inscrire, là, en revanche, on tirera au sort parmi 3 semaines de SMS. Ça fait 3 semaines que, pour le moment, vous n'avez envoyé aucun SMS pour rien. C'est peut-être celui que vous allez envoyer qui vous fera gagner, quoi qu'il arrive. Les amis, peut-être qu'à 7h20, on vous offrira un mois de loyer. Et vous pouvez être le gagnant de 7h20 et de 8h20. Oui. Et oui. Faut vraiment de la chance. Ouais. C'est peut-être votre jour. Allez savoir. Les amis, en tout cas, un grand merci de nous avoir choisis. 7h05, je sais qu'il y en a qui sont en voiture. D'autres sont en train de se préparer. Les filles, passez des heures dans votre dressing. Ça sert à rien. Souriez, vous serez belles. Ah. Peu importe c'est les beau. Amis que vous mettez. 7h05, les copains, c'est Coldplay qui arrive. Mais pour le moment, la question de ouf. Question de ouf. La question de ouf, c'est Clément qui s'en occupe. Il vous pose une question et c'est surtout vous, hein, qui faites tout puisque vous nous laissez des messages sur le répondeur. Et elle concerne les 50 ans de loyer, puisque je vous ai demandé, selon vous, qu'est-ce qu'il y aura dans 50 ans qui n'existe pas encore. Dans 50 ans, les DJ mix seront dans les maisons de retraite et les jeunes, bah, ils trouveront ça un gars. Dans 50 ans, il y aura des lave-personnes. Un peu comme un lave-vaisselle, mais pour l'homme. Dans 50 ans, moi, je suis sûre qu'il y aura eu un candidat de Secret Story qui sera devenu président. On aura toujours la même chose, les chiffres et des lettres à la télé. Il y aura des imprimantes à pizza, comme ça, on aura juste à les commander et les imprimer pour les manger. En plus, pas besoin de donner de pourboire au serveur. Le kiff. Enfin, moi, je pense que dans 50 ans, Camille sera sur un canapé rouge et il présentera Vivement Dimanche. Aujourd'hui, j'ai des abdos. Bah, dans 50 ans, ce sera des flaques d'eau. Eh ben, je recommencerai à peine à payer mon loyer puisque c'est moi qui vais gagner les 50 ans de loyer ce matin, j'en suis sûre. Question de ouf. Eh ben les amis, peut-être que c'est vous, en tout cas je vous le souhaite, peut-être que c'est cette jeune fille qu'on vient d'entendre. Vraiment bonne chance, 8h20 puis 7h20 déjà pour les 1 mois. Coldplay, alors c'est Him for the Weekend, mais il y en a marre, on est en France ici, ce sera Him for the Vendredi. En vrai c'est n'importe quoi, attends on va où là? Ils vont où là, Chris Martin et toute la compagnie là? Coldplay tout de suite sur Virgin, je vous souhaite un très très beau réveil, merci de nous avoir choisis. This is Christian Van Coldplay on Virgin Radio. Virgin Radio. Come and feel it drunk and high, so high. voiture, peut-être encore chez vous sous la douche, c'est le Virgin Tonic. Vous avez bien fait d'être chez nous. Hein. Vous avez fait le bon choix pour vous réveiller le matin. On est là chaque jour, 6h-9h avec toute l'équipe. Oui. Et puis surtout, Virgin Radio, on crée l'événement. On crée l'événement parce qu'on a les meilleurs auditeurs de France. En 2 ans à peine depuis qu'on est là, vous êtes tellement nombreux à parler de l'émission, vous êtes tellement nombreux à nous rejoindre chaque matin. Rien ne nous faisait plus plaisir. Et pour vous remercier, on voulait vous offrir le plus beau cadeau jamais offert sur une radio. Ces 50 ans de loyer, ça fait quand même maintenant pas mal de temps qu'on vous gâte. On a déjà offert des loyers tous les matins, 6h20, 7h20, 8h20. On vous a offert 1 an de loyer. On vous a offert des 10 ans de loyer. Comme à Cyrielle. Rappelez-vous, Cyrielle, elle a gagné 10 ans de loyer. Elle a gagné un chèque de 68 400 euros. Cyrielle, quelle est la seule radio en France et dans le monde qui vous offre 10 ans de loyer? C'est Virgin Radio. C'est un truc de fou, hein. Les émotions que ça crée. L'émotion, elle sera 5 fois plus forte encore. C'était 10 ans. Ce matin, c'est 50 ans. Oui, Clément. Surtout que je crois pas me tromper, elle était enceinte. Donc on va lui demander. Puisqu'elle est avec nous au téléphone, on l'a rappelé au 3916. Cyrielle, salut. Bonjour Camille, bonjour toute l'équipe. Salut. Je suis très contente de vous avoir au téléphone. Moi aussi, je suis très, très, très heureux. Cyrielle, ma belle, alors est-ce que tu as accouché? Est-ce que tu as eu ton bébé depuis? Ah oui, oui, moins de 2 semaines après, j'étais l'heureuse maman d'un petit Henri. Oh, c'est mignon. C'est le prénom de mon père. Ah bah voilà. Bah ouais, bah c'est joli, je trouve ça très joli. Les vieux prénoms, ils reviennent à la mode et je trouve ça très joli. Mais oui. Franchement. Et ma Cyrielle, alors t'en as fait quoi de ces 10 ans de loyer? Bah, on va dire que c'est un petit peu plus facile financièrement. On avait, j'avais mon prêt étudiant qui était un peu un boulet et puis également... le pré-voiture, et du coup, bah, on respire un petit peu, et c'est vraiment plus simple pour nous. Mais je comprends tout à fait. 68 400 euros, c'est le chèque qu'on t'avait fait. Et alors, c'est surtout, on t'a fait plaisir, mais ce qui est bien, voilà, c'est ça, c'est que vous pouvez vous faire un énorme kiff, on va pas se mentir. Messieurs, vous pouvez peut-être avoir cette voiture de sport allemande dont vous rêviez. Les filles, peut-être que vous pouvez, j'en sais rien moi, vous offrir un truc magnifique. Qu'est-ce de quoi vous rêvez les filles? Bah, une paire de Louboutins. Une paire de Louboutins. Eh ben voilà, impossible à avoir, vous pourrez l'avoir. Ou alors, et c'est ça le plus important, comme Cyrielle, bon, c'est un peu moins de kiff, mais au moins... on se sort de la galère. Ouais. Ah bah, les prêts étudiants ne sont pas remboursés, les prêts immobiliers, les prêts voitures. Et ben c'est ce que tu as fait, ma Cyrielle. Je suis très, très, très heureux pour toi. Bah, merci à vous, merci à toute l'équipe et merci surtout à Virgin Radio qui nous permet de vraiment de gagner, même aujourd'hui, encore 50 ans de loyer. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Et je vais vous dire un truc. Participer, mais... Cyrielle, c'est vrai, hein, y aura forcément des déçus, mais bon voilà, envoyez pas non plus 4000 textos. Rassurez-vous, la chance y est pour beaucoup. Mais je vais vous dire un truc, si vous nous suivez, vous le savez. Mais on vous donne tellement de cadeaux, on n'a même plus d'eau potable dans cette radio. On est la seule radio de France, les radios étudiantes compris, web radio compris, à être dans des locaux où l'eau n'est pas potable. Il faut quand même expliquer, les fontaines, c'est pas une blague, il y a des bandes rouges et blanches dessus, ne buvez pas eau contaminée. Bon, l'eau n'est plus potable, mais on vous fait des très beaux cadeaux. Et je vais vous dire un truc, je trouve ça super. C'est drôle. Mais ouais, on n'a plus rien, on n'a même pas une compile, nous, ici. On n'a plus rien. Les amis, Clément. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ne buvez pas le petit panneau, il est même pas accroché au mur, il est posé et ce qu'il tient, c'est une orange et un brownie qui font contrepoids. C'est magnifique. C'est magique. Et encore, l'orange, c'est Nostalgie qui vous l'a prêté. On l'avait pas. C'est Nostalgie qui vous l'a prêté, l'orange. Oh là là là là, les amis, vous aimeriez qu'on vous paye 50 ans de quoi? Nous, c'est le loyer ce matin. Clément, on te dit, je te paye 50 ans de ce que tu veux. Moi, je sais que ce serait de Mr Freeze. Ouais. Ah ouais. C'est idiot, mais j'ai une énorme consommation de Mr Freeze. C'est pas simple à trouver. Et Mr Freeze, j'aime que les coca. Ouais. Mr Freeze Coca en long format, une auditrice adorable, Gaëlle, qui m'en avait offert un paquet. Oui. Donc c'est dur à trouver. Moi, si on pouvait me financer 50 ans de Mr Freeze, j'adorerais, Clément. Moi, ce serait les céréales le matin, les 13h, parce que ça grimpe. C'était à 2,50 il n'y a pas 2 ans. Là, ça coûte genre 4 euros. Donc si ça s'arrête là, ça va grimper. Ah, mais attends, je sens le truc. C'est les subprimes, hein. C'est Wall Street, Madoff et compagnie. Hein. Le cours du trésor, il. Ah, bah bien sûr. Hein. Vous avez pensé au trésor public d'ailleurs. Oui. Hein. C'était hier, le dernier jour. Hein. Ouais. J'espère que vous avez pensé l'or. Moi, je voudrais qu'on me paye 50 ans de PV, parce que c'est un gros budget chez moi, les PV. Ah ouais. Donc, bah, ce serait sympa, en fait.

profiter de 20% de remise sur tous les luminaires intérieurs et extérieurs et tous les carrelages sol et murs intérieurs et extérieurs. Vite, lancez-vous! Or ampoule, interrupteur, accessoires école, hors commande et promotions en cours, voire conditions en magasin et sur castorama.fr. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Dans une heure, Camille Combal vous offre 50 ans de loyer. 50 ans de loyer. La météo Virgin Radio. Et ça va être encore assez humide aujourd'hui sur tout le pays. Seule la Bretagne et la Corse seront réellement sous le soleil ce vendredi. De la pluie partout ailleurs avec des orages attendus sur toute la moitié est. Vous aurez 15 petits degrés cet après-midi à Aurillac, 16 à Limoges, 17 à Brest et à Chambéry, 18 à Valence, Bordeaux et Cherbourg, 19 à Compiègne, 20 à Paris, 21 à Lyon, 22 à Marseille, 23 à Nice, 24 en Corse et la maximale 25 degrés cet après-midi du côté de Perpignan. Très bon réveil les amis. Live, web radio, podcast. Podcast. Mettez tout Virgin Radio dans votre poche. Avec l'application Virgin Radio. Disponible sur l'App Store et le Google Play Store. Est-il fidèle? Envoyez proche PROCHE au 72021 et découvrez s'il est sincère avec vous. Envoyez proche au 72021. 65 centimes plus prix d'un SMS Telco Pass. Virgin Radio présente Virgin Tonic, la compile officielle avec Richard Orlinski, Imani, Coombs, DJ Snake, LP, Calvin Harris, The Avener, Charlie Puth, Julien Peretta, Jonas Blue, Virgin Tonic, c'est la compilation. Famille, au 71 777, vous rêvez d'un enfant, votre petit bébé, envoyez famille, FAMI 2LE, au 71 777. 65 centimes plus prix d'un SMS Telco Pass. Dans une heure, Camille Combal va changer votre vie en vous offrant le plus beau des cadeaux jamais offert. Une seule question. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Une seule réponse. C'est Virgin Radio. Et Camille Combal vous paiera 50 ans de loyer. Wow. Oh là là. Ah, c'est pas vrai. Hein. C'est pas possible. Oui. Pas de loyer à payer pendant 50 ans. 50 ans. Impatient de vous offrir ça, les copains. Dans une heure, pour être le grand gagnant des 50 ans de loyer, inscrivez-vous maintenant au 712-13. Code loyer. Les amis, ce SMS va peut-être changer votre vie. Tout de suite, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Belle matinée à vous tous, 7h21, c'est le Virgin Tonic à vos côtés tous les matins, 6h-9h, Laure, Clément, la Pauline du Standard, Ginger sur les réseaux sociaux, un hashtag, Camille Combal offre 50 ans de loyer. Ça tombe bien, je suis Camille Combal, je vous offre 50 ans de loyer. Eh ben voilà. Comme quoi, on a trouvé le hashtag avant le truc, donc ça tombe bien, c'est le hasard, hein. Il arrive au bon moment. Il y a Nico du bureau qui est là aussi. Notre huissier de justice va arriver tous les matins, hein, 6h20, 7h20, 8h20, on paye votre loyer pour vous donner le sourire, pour vous filer un bon coup de main le matin, notamment vendredi ce matin, je sais que c'est encore plus dur la semaine. Et ben voilà, c'est le beau cadeau qu'on vous fait. Et là, il y a un huissier qui arrive parce que quand même 50 ans de loyer dans une heure, voilà, il y a un tirage au sort qui est fait par une machine, tout est bien réglo, mais pour les 50 ans, en plus, on a un huissier qui arrive, il sera là dans quelques minutes, restez avec nous pour le moment. C'est un mois de loyer, un mois de mensualité de crédit remboursé. Vous qui êtes peut-être en voiture, peut-être dans le bus, là, dans les transports. Quoi qu'il arrive, ça vous fait bien démarrer la journée. C'est parti, on vous rappelle. Loyer au 7, 12, 13. C'est le même numéro pour vous inscrire pour le tirage de maintenant et le tirage de 8h20. Ça fait qu'on tirera au sort parmi 3 semaines de textos. Ouais. Et ne soyez pas déçus. C'est la première fois que j'ai peur que les gens soient déçus de gagner le loyer. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est là? Comment? C'est qui à l'appareil? C'est Paul. Paul, comment allez-vous? Ça va, et vous? Ça va très bien. Paul, est-ce que je peux vous tutoyer? Oui. Moi aussi, vous tutoie, vous êtes qui? Eh ben, c'est, vous voyez. Paul, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Si je réfléchis bien, c'est Virgin. Bonjour. Oh, c'est une blague, non? Oh, je suis heureux. Ah, tu m'as fait peur, Paul, hein. Non, mais c'est une blague. Ah non, c'est pas une blague, tu es en direct sur Virgin Radio. C'est pas les 50 ans, c'est les mois de loyer. Les 50 ans, c'est dans une heure, je te reprendrai peut-être au téléphone. D'accord. Polo, ne me fais pas une attaque, c'est déjà un très beau cadeau. Il est de combien ton loyer, Polo? Entre 700 et 800 euros, je sais pas exactement. C'est un crédit maison, en fait. D'accord, ben, y a pas d'urgence, mon Paul. Vraiment, tu prendras le temps au standard. Même demain, on te rappellera, tu nous donneras le montant précis de ton loyer et on te fera un chèque du montant de ton loyer, d'accord? D'accord, merci beaucoup et merci à Virgin Radio. Hein. Ben, t'es un ange, Clément. C'est un accent anglais ou américain? Je suis anglais. Ouais, c'est la classe. C'est joli. J'adore. Chicago. Anglais. Ah bah oui, Los Angeles. Non, Liverpool, Manchester. Salt Lake City. Ricky Martin. Vancouver. Non. Bon, mais écoutez, merci beaucoup, c'est vraiment sympa. C'est pas que je ne veux pas vous parler, mais je suis vraiment pressé. Helsinki. Non, j'étais en train de travailler. Tu bosses dans quoi, juste rapidement? Je travaille les abattoirs de Rodez. Oh, bah alors, les vaches attendent pas, mon poteau. Allez. Oui, ils attendent pas. Je sais. Bah écoute, en tout cas, vous devez débarrer très très tôt. Polo, merci, on est content de t'avoir eu au téléphone. Mon Polo, c'est gagné, 700 euros. Ça veut dire que si Paul, je l'ai dans une heure exactement au téléphone, je lui ferai un chèque de 420 000 euros. Bonne chance à lui, bonne chance à vous tous qui m'écoutez. Voilà, maintenant, dans moins d'une heure, dans 54 minutes et 50 secondes, ça y est, on aura rendez-vous avec l'histoire. Plus gros chèque jamais réalisé par une radio au monde, en France. On est comme des dingues, les amis. C'est le même numéro, loyaux 7-12-13. Vous ruinez pas en SMS. Hein. Si vous vous êtes déjà inscrit, ne vous ruinez pas en SMS. Voilà, laissez faire la chance parce que on a déjà beaucoup, beaucoup de textos et tout. Vraiment, je vous souhaite bonne chance. On espère qu'on aura un beau gagnant dans une heure. Je suis comme un dingue. Je suis pas bien du tout. On va écouter The Strumbellas tout de suite. Courage à vous tous. Prudence si vous êtes en voiture. C'est Virgin Tonic. C'est vendredi 16 septembre aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Nous sommes The Strumbellas on Virgin Tonic. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. À vous tous dans le Virgin Tonic. Soyez les bienvenus, les amis. 6h, 9h, on est là à vos côtés. Courage à vous dans le bus, les chauffeurs de bus. Si vous êtes sur Virgin Radio, mettez le son à fond. Faites kiffer les élèves, un peu, ils ont besoin. C'est vendredi. Courage à ceux qui sont encore sous la douche, au petit-déj, aussi à la maison. Je voudrais vous parler d'une étude. Oui. Laure, Clément, Pauline, qui sont à mes côtés chaque matin sur Virgin, dans le Virgin Tonic. C'est un top 3, on va le faire version famille en or. Tiens, allez. Ouais. Ok. Ça sert à rien, on va arrêter. On va arrêter de tergiverser. Bonjour. La famille Virgin Tonic, il y a Laure, il y a Clément, Ginger, Pauline, Nico du bureau, salut à tous. Bonjour. Famille recomposée mais heureuse. Aujourd'hui, vous êtes face à la famille Strudel. Bonjour les Strudel. Guten Morgen. Guten Morgen à vous. Vous devez me retrouver, tout est sérieux. Hein. Les régions de France, les départements, les régions de France, où on capte le moins bien. J'ai les trois régions de France. où on capte le moins bien. Les réseaux téléphoniques. Ok. Laure la maman. Bah en Corse. Corse non. Bim bim bim bim bim bim bisous. Je vais partir sur l'Auvergne. L'Auvergne. Région Auvergne. Oui. Non. Ninja. Midi Pyrénées. C'est de la seule que vous connaissez. Bah, merci à vous. Non, pas du tout. Voilà. Ah si. Bah, ouais, parce que maintenant c'est vrai qu'elle s'est rassemblée. Donc je vais la compter. Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Ah, elle est dans le top 3. Paulino standard. Le Poitou-Charentes. Poitou-Charentes. Bonne journée à vous. Nico du bureau. Nico. Ah, c'est dur, c'est dur. Alors bah, Poitou-Charentes. Bah, non, je viens de le dire. Bah, Bourgogne. Oh là, Bourgogne. Mais Bourgogne. Qui sont nuls. Bourgogne. Non, Bourgogne. Mais non, mais je le compte. Mais vous aviez déjà dit une réponse. Ah. Le top 3. Des régions où on capte le moins bien. Numéro 1, je vous le dis, hein, c'est de là où je viens, c'est l'Ézor dans les Hautes-Alpes. Ah, on capte rien. Ça, c'est une commune, mais c'est la pire. Hein. Sinon, Normandie en 3, Bourgogne-Franche-Comté en 2, et Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées en 1. Et c'est donc gagné pour la famille Strudel. Dankeschön, Camille. Merci à vous, les amis. Restez là dans le Logiconic. On est à vos côtés jusqu'à 9h. Tous nos journalistes partout en France là qui vont vous faire l'actu, une actu près de chez vous qui vous intéresse vraiment. Et attention, nouveau défi pour eux. Je veux que tous les garçons journalistes finissent leur flash par après ce flash, vous vous êtes forcément rendu compte que j'étais meilleur que Laurent Delahousse. Et les filles, Élise Lucet. Ah génial. Ok, et on vérifiera tout ça dans un instant. Restez avec nous dans le Virgin Tonic, c'est le son de David Guetta qui arrive. Avec Léa très à l'aise à la piscine. Oui, sans doute grâce à ses lunettes de natation Nabeji X-Base. Dotées de joints très souples, ses lunettes sont confortables et parfaitement étanches. Léa qui exécute une magnifique longueur en papillon. Un véritable papillon dans l'eau. Un véritable poisson dans l'eau, non? Ça dépend des points de vue. Chez Decathlon jusqu'au 24 septembre, la rentrée à petit prix joue les prolongations. Avec les lunettes de natation X-Base de Nabeji à seulement 2,99€. Decathlon, à fond la forme. Liste des magasins participants sur decathlon.fr. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, un ciel couvert encore aujourd'hui sur tout le pays, de belles éclaircies sur la Bretagne, des nuages et des averses partout ailleurs avec aussi des orages attendus sur les régions de l'Est, 20 degrés en moyenne cet après-midi, 17 à Brest, 18 à Bordeaux, 22 à Marseille. 62 personnes interpellées, 32 individus placés en garde à vue. La journée de manifestation contre la loi travail a été marquée par des incidents à Paris et en province. Violence à Nantes, Rennes, Rouen, Grenoble, Toulouse ou encore à Montpellier. Au moins 4 manifestants et 15 policiers blessés lors d'échauffourées entre des jeunes et des CRS. Évacuation d'un campement d'au moins 1400 migrants en ce moment dans le nord de Paris. Un camp qui grossissait au fil de ces dernières semaines. Il avait d'ailleurs déjà été évacué le 17 août avec près de 700 personnes prises en charge dans des structures d'hébergement. Le jugement est tombé cette nuit à Bastia au procès de la rixe de cet été à Cisco en Haute-Corse. Mustapha Benadou a été condamné à 2 ans de prison ferme pour violence avec arme. Les 4 autres prévenus ont écopé de peine avec sursis. Les dirigeants européens se réunissent aujourd'hui à Bratislava. Un seul pays absent, le Royaume-Uni, qui a voté son départ de l'Union européenne. C'est justement pour tracer les contours de l'Europe post-Brexit que les 27 se retrouvent, avec pour objectif d'esquisser une feuille de route. Londres qui a donné son feu vert au projet de construction de 2 EPR. C'est une excellente nouvelle pour EDF. Le contrat géant qui sauve la filière française, titre Les Échos, un contrat à plus de 21 milliards d'euros. Je parlais d'Europe un instant, et bien Bruxelles s'apprête à prendre une décision définie positive concernant le déploiement d'Internet en France, plus précisément le plan France Très Haut Débit qui vise une couverture intégrale du territoire en Internet ultra rapide d'ici à 2022, avec une étape intermédiaire à 50% de foyers couverts dès l'an prochain. Il n'est pas trop tard pour vous tenter votre chance, vous avez jusqu'à 8h10 ce matin pour espérer gagner 50 ans de loyer. Aucune mensualité à payer jusqu'en 2066. C'est ce que vous offre Camille Combal ce matin dans Virgin Tonic. Envoyez loyer au 7-12-13, le tirage au sort à 8h20. En sport, le PSG se déplace à Caen ce soir pour le match d'ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Les footballeurs monégasques recevront les joueurs de Rennes demain dès 17h avant les autres rencontres dans la soirée. Puis dimanche, Marseille accueillera Lyon en match de clôture. Nice a été battu 1-0 par Shakhtar Donetsk hier en Ligue Europa. Saint-Etienne a sauvé sa soirée par un match nul 1-0 à Mayence. Et puis en tennis, la Croatie reçoit la France d'aujourd'hui à dimanche. Les demi-finales de Coupe Davis, ça débute à 14h cet après-midi. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Et vous le savez, vous l'avez entendu, je suis bien meilleur que Laurent Delahousse. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. C'est 7h33, excellent réveil à tous, bienvenue sur Virgin Radio, vous êtes ici chez vous, on est là entre 6h et 9h chaque matin, depuis plus de 2 ans maintenant à se réveiller à vos côtés, vous êtes tellement nombreux à nous avoir rejoints de plus en plus, chaque matin que vous soyez en France, quel que soit votre métier, quelle que soit votre orientation sexuelle, vous êtes très nombreux à être là chaque matin et à rejoindre cette émission, rien peut nous faire plus plaisir. Je vous présente l'équipe qui est avec moi chaque jour, tiens vous allez vous présenter chacun en donnant votre fantasme absolu, Laure. Tu veux pas commencer par Pauline ? Non. Pourquoi ? Tu veux lui piquer son fantasme ? Non, mais je veux réfléchir. Je le connais, moi. Vas-y. Bradley Cooper. Bonjour, ouais. Je suis Laure et je rêve de Bradley Cooper toutes les nuits. J'aurais pu dire n'importe quoi. Alain Souchon. Bonjour, je suis Laure et mon fantasme c'est Alain Souchon. Oui, Clément. Bonjour, je suis Clément et je fantasme sur. Bon, il y en a un paquet, mais Nathalie Imbruglia en première. Ah ouais ? Ouais, mais ouais, aussi Jennifer Aniston. Je crois bien connaître l'équipe, je t'aurais mis sur du Sophie Marceau. Ouais, moi aussi, ouais, c'est vrai. Ah, mais évidemment. Ah bah oui mais bon évidemment mais je me fantasme ces trucs inaccessibles Sophie Marceau je Clément, peut-être un jour je comprends pas on en parle de ton fantasme t'es déjà en train de vouloir la tromper avec d'autres fantasmes si un jour t'as un fantasme garde-le déjà oui mais le fantasme c'est quand on n'a pas fait ah bien sûr ah, c'est pas faux et attention Pauline du Standard récemment ouais. Amoureuse hein, elle tombe amoureuse cet été de Guigui la cartouche Willy la cartouche William de Bordeaux ils ont énormément d'années d'écart voilà 10 ans le gars a grandi à l'époque du Far West. C'était un très bon ami de Bees the Kick. Et ton fantasme absolu ? Bonjour, je suis Pauline et je fantasme sur mon mec, Willy la cartouche. Voilà. Willou ! C'est horrible parce que même Pauline l'appelle Willou la cartouche. Oui. J'ai cédé. Vraiment devenu son nom. Cadeau magnifique, je vous en parle même plus tellement vous le savez. 8h20, plus gros cadeau jamais offert sur une radio en France, ce sera 50 ans de loyer. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire, mais c'est pas tout. Appelez-nous maintenant au 39-16. Vous tombez sur Madame Cartouche. Ah, Madame Cartouche prend le téléphone, vous décroche. On vous offre l'iPhone 7. Il sort ce matin. Les boutiques Apple Store sont même pas encore ouvertes. Ouais. Même si vous l'avez précommandé, le facteur a pas encore pu vous l'emmener. Mm. Et bien, ce téléphone, on vous l'offre ce matin. Dans un instant, 3916. Appelez-nous. C'est le grand retour d'un jeu que j'adore, le Star Animalerie. Ah ouais. Vous êtes peut-être encore à la maison, au petit-déj, sous la douche. Mettez l'ordinateur si vos enfants sont près de vous, parce que c'est à la fois un spectacle de marionnettes, mais vraiment. Ouais. Et en même temps, un jeu radio. Donc voilà, on est les seuls et c'est idiot pour faire des marionnettes à la radio. vous découvrirez ça dans un instant. Et pour le moment, avant d'écouter David Guetta, c'est Clément et son réponse à tout. Clément descend chaque jour dans la rue avec son micro, il pose des questions aux enfants et les enfants se trompent jamais, ils répondent toujours très spontanément, Clément. Et la question que j'aurais posée ce matin, c'est qu'est-ce que tu seras devenu dans 50 ans ? Vous serez comment, à votre avis, dans 50 ans aujourd'hui, là ? Sur un terrain de foot. En train de faire quoi ? Bronzer. Tu bronzes sur le terrain de foot ? Ouais. Pourquoi ? Bah, après le sport, le réconfort. Tu te vois où dans 50 ans ? Je serai au commissariat. Pourquoi ? Bah, j'aurais sûrement fait des bêtises. Et vous, alors, les filles, vous serez où dans 50 ans ? Bah, je sais pas, moi, à Los Angeles, c'est... Et tu ferais quoi de ta vie ? Je suis pas mère au foyer. Combien d'enfants ? Deux. Ils s'appelleraient comment ? Jason et Ruby. Jason et Ruby ? Oui. Des vrais petits Américains. Et toi, alors, dans 50 ans, tu t'imagines où ? Avec mes copines. En train de faire quoi ? Du shopping. Des sacs, des chaussures. Et physiquement, qu'est-ce qui aura changé ? Vous imaginez comment dans 50 ans ? J'aurais peut-être des rides. Franchement, je m'imagine vieux, avec des rides et tout. Moi, beau gosse. C'est-à-dire ? Bah, sans rides, avec plein de muscles, les yeux bleus, mais sans chirurgie. Pareil, musclé, beau gosse. On est quand même déjà pas mal beau gosse. Réponse à tout ! Merci les enfants, prochaine réponse à tous et dans une heure exactement avec une nouvelle question et de nouvelles réponses. Et pour le moment, David Guetta, Sia, du bon son comme ça, il n'y a que chez nous que vous en entendez le matin. Bon réveil. Salut, c'est David Guetta. Hi, this is Sia on Virgin Radio. I'm not afraid to drums, who gang, I'm the boss. For my kids, give my life with no. Tous 8h20, merci d'être là. Courage, courage, courage. Le vendredi, je sais que c'est pas simple pour vous qui partez travailler, qui déposez les enfants à l'école, très nombreux, très nombreuses en voiture. Soyez prudents. Peut-être que vous regrettez déjà la doudoune que vous avez mise ce matin. Vous partez, vous dites il fait très froid, puis d'un coup tu fais mais en fait il fait pas si froid que ça. C'est l'intérêt de la veste mi-saison. Eh oui. Eh ben elle a pas été inventée pour rien la mi-saison. Bah, non. Hein. C'est pile pour cette période là. Les amis, on vous offre un beau cadeau tout de suite. C'est l'iPhone 7 avant dans 39 minutes et 15 secondes de vous offrir 50 ans de loyer, le plus gros chèque jamais offert sur une radio en France. Je le répète, mais je suis comme un dingue. Je reviens même pas que j'ai l'honneur de faire ça ce matin. Je suis comme un fou. C'est parti, on joue au Star Animalerie. Bienvenue à la Star Animalerie. Ouais. Et on va jouer ce matin avec Elodie qui est là. Bonjour Elo. Bonjour Camille, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Ma belle, je suis très heureux de t'entendre. Tu viens d'où? Moi je viens de Lille et je suis aussi super contente d'être avec vous. De Lille tu m'as dit hein? Ouais. Oh là là, Lille, qu'est-ce qu'on adore. Oh là, on y va la semaine prochaine. Je l'annonce à Camille en direct à chaque fois. Chaque fois qu'on a un auditeur de Lille, il veut amener à Lille. On a passé des matinales géniales. On a quand même rempli le zénith de Lille à 6h du mat. C'est 7000 personnes réveillées à 6h du mat à nos côtés. Oui, Pauline. Mais vous avez des trucs à cacher avec Clément, parce que vous nous invitez jamais avec Laure quand vous partez à Lille. Ce qui se passe sur l'île de Diamanteca reste sur l'île de Diamanteca. Non, pas du tout. En plus, on y va avec nos potes. Ma chérie est déjà venue avec nous à Lille. Hein. Ah ben, vous croyez quoi? De toute façon, parce que j'ai pas le droit d'y aller sinon. Déjà, première bonne raison. Elodie, ma belle, Star Animalerie, tu vas comprendre très vite, peut-être que vous nous écoutez pour la première fois, c'est très simple. Le Star Animalerie, allez voir sur les réseaux parce que ça vaut le coup, on filme là en direct. Hein. Vous êtes vraiment dans un spectacle de marionnettes. C'est-à-dire qu'on a deux personnes de l'équipe qui sont des marionnettes. Je voudrais qu'on les accueille d'ailleurs. C'est Bernard le Canard et Helmut le Mouton. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Bernard le Canard et j'adore les spectacles de Pierre Palmé. Qu'est-ce qu'il est rigolo. Qu'est-ce que je me marre au canard. Helmut le Mouton, ça va? Bonjour à tous, je suis Helmut le Mouton et je viens de décrocher le premier rôle dans La Belle et la Bête. Alors attention, on est les seuls idiots à faire quand même des marionnettes parce qu'on a vraiment fait le spectacle. Donc allez voir, n'hésitez pas. Et donc ça va quand même, ils vont rechanter des chansons. Ma petite Elodie, il va falloir que tu en reconnaisses au moins deux. D'accord. D'accord, on va y aller par un premier extrait. Est-ce que Bernard le Canard et Helmut le Mouton sont prêts? C'est quand vous voulez. Ouais, ouais. Alors on y va, premier extrait de ce Star Animalerie. C'est le jeu préféré ça. On y va. Nothing I can see but you when you... Feeling good, creeping on you, so just other things I shouldn't do, but you can't stop the quack, quack. Voilà. Oh, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Elle est trop bien, cette version. J'adore. Bon, l'accent, j'y suis pas. Elodie, c'est quand même facile, hein. La chanson qui a été reprise par nos deux marionnettes. Alors, c'est Justin Timberlake. Can't stop the feeling. Can't stop the feeling, exactement. Yes. Bon, là, c'est l'intro, donc on s'en Attention, on y va. Elodie, déjà une bonne réponse. Je rappelle quand même, si vous nous rejoignez tout juste sur Virgin Radio, on joue pour un iPhone 7, quand même. C'est pas de la rigolade. On y va. Deuxième extrait du Star Animalerie, des marionnettes qui chantent à la radio. C'est parti. On y va. Du fond de ma rue, une silhouette qui me plaît. Quink. Bernard, on arrive quand s'appelle le couplet. Oh, ça va, j'avais oublié. Ma mère. Fraulein. C'est trop long, hein. Il se presse dans l'allée. Sa démarche lui donne des ailes et des pieds palmés. Ainsi. Jamais, ich muss de Vibus, aucun doute, ma Liebe. Elle s'envole comme un canard sauvage. Magnifique. C'est magnifique. Les gars, vous êtes juste enflammés, je crois, trop de paroles. Hein. Ouais. C'est dur de tenir le canard aussi longtemps. Hein. J'ai mal en bras, si vous. Bernard le canard. C'est quoi déjà le site internet où on met plein d'annonces, on peut racheter des trucs d'occasion? Mon site préféré, le Bon Coin Coin. Ah non. Ça, c'est un humour de canard. Ça va, le mouton. La ramène pas. C'est quand même deux gars de 40 ans qui sont en train de s'embrouiller avec une chaussette sur la main. Bon, Elodie, ma belle, est-ce que t'as retrouvé ce deuxième extrait? Ah là non, trop dur. Non, arrête. Oh. Arrête, non, t'as pas retrouvé? Non. Ah, tu me dis quoi? Christophe May? Non, je... elle a dit, tu m'as dit quoi? Christophe May. Christophe May, je crois. C'est... incroyable. Oui. Mais c'est sans aide, tu viens de retrouver, bravo. C'est bien Christophe Mahé, ma chérie. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Virgin Radio, c'est la radio. Même quand tu perds, tu gagnes un iPhone. Je sais même pas pourquoi on fait des jeux. On ferait mieux de vous passer à l'antenne, dire tiens, t'as gagné un iPhone, passe une belle journée, ma petite Elodie. Si on fait un jeu, le jeu perd, oui, tu pars quand même avec le téléphone. Ma petite Elo, je te fais des bisous. Je suis très, très, très heureux pour toi. Merci beaucoup, je vous fais des gros gros bisous, je vous adore continuer comme ça, franchement vous êtes au top. T'es un ange, ma petite chérie, je t'embrasse très très fort. Merci d'être avec nous. 8h moins le quart, restez dans le coin. C'est l'événement ce matin, 50 ans de loyer. Plus gros cadeau jamais offert sur une radio en France. Soyez au 7-12-13 pour vous inscrire. Et nage tout de suite, I hate you, I love you. Excellent réveil sur Virgin. Merci le canard et le mouton. Bonsoir, salut, à bientôt. Anus Metalink. Merci. Allez, c'est parti, vous êtes en direct sur Virgin Radio. Nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Messed around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that. I put this real out, but you wouldn't bite that. I type a text, but then I never mind that. I got these feelings, but you never mind that. Oh, oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. Like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. She's the only thing you ever see. How is it you never noticed was slowly killing me? I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be. Excellent réveil à vous tous sur Virgin Radio, 7h48 précise. On est maintenant à 31 minutes de vous offrir le plus gros chèque jamais offert sur une radio. Loyer au 7-12-13 pour vous inscrire. Et puis surtout, le plus important, c'est qu'on est là chaque matin pour vous donner le sourire, pour essayer que vous arriviez de bonne humeur au travail, au collège, au lycée.

futur se confondent et qu'ils se suivent ici et là. Mais je sens bien que je me prends mal, que tout ça c'est pas normal, que tu voudrais la version sous-titrée. Laisse-moi voir ce qui reste à voir, emmène-moi vers le grand soir. Te souffler si tu veux bien m'écouter, un petit peu de toi et moi. Je sais plus, je sais pas. Un petit peu de toi et moi. Et toi t'en penses quoi? Un petit peu de toi et moi. Moins 5 les amis, soyez les bienvenus, vous êtes ici chez vous, c'est le Virgin Tonic, chaque matin à vos côtés, 6h-9h avec l'équipe, il y a la Pauline au standard, oui, il y a le Clément Lincrus, il y a la Laurette, salut. Bien sûr, on est très heureux d'être là chaque matin, c'est vendredi aujourd'hui, hein. C'est un peu plus difficile, on a la semaine dans les jambes, je sais ce que vous êtes en train de vivre, rassurez-vous, nous on est là, très heureux d'être à vos côtés chaque matin, vous êtes en voiture, vous êtes dans le bus, vous êtes à la maison, on vous accompagne, et puis surtout dans 24 minutes et 30 secondes, 29 secondes, 28 secondes, 27 secondes, c'est lourd. On vous paye, on vous refait le plus gros cadeau jamais fait par une radio en France. 50 ans de loyer. Oh là là là là. Folie. Oh là là, mais la folie, mais la folie. Mais si je pouvais gagner, mais je vous jure, moi je suis pas radin, mais je vous donne rien. L'équipe, je vous donne. Que chi. Oh là là là là. Proche. Je suis pas radin dans la vie. Je crois pas être radin. Ah non. Dans la vie, mais il y a des moments où je suis un tout petit peu radin. Genre, je sais que par exemple, il y a un truc qui est relou, c'est que je sors jamais mon paquet de chewing-gum quand il y a du monde. Ouais. Parce qu'un paquet de chewing-gum, quand il y a du monde, bah t'as plus de chewing-gum en fait. Bah ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en galère, mais non, mais c'est vrai, en deux secondes à peine, il n'y a plus rien. Donc, ouais. Ça, sur là-dessus, je peux être un peu radin. Clément. Moi, pareil, je suis pas radin, mais j'ai un truc avec les chewing-gums. C'est que quand je mange, on me propose un gâteau, j'ai un chewing-gum, j'enlève le chewing-gum, je mange le gâteau, ou je fume une cigarette et je reprends le même chewing-gum. C'est pas radin, c'est économe. C'est pas radin, c'est rat d'égout. Exact. C'est le grand au-dessus. Qu'est-ce qui fait, tiens, on va vous prendre au 39-16. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un peu radin, même si vous n'êtes pas très très radin dans la vie? Laure, alors Laure, attendez, non, excusez-moi. Non, non. Oh, là, c'est la Mark Zuckerberg des radins. Là, c'est... Elle a inventé le concept. À chaque fois que quelqu'un pique de l'argent à un autre, elle touche de l'argent. Elle a déposé le concept de la radinerie, alors. Non, je suis pas du tout radine. C'est pas vrai, je suis économe, je fais attention. Et par exemple, quand on m'offre des cadeaux, ou quand on offre des cadeaux à la radio, je garde les boîtes parce que je fais des petits rangements avec. Ouais. Ce que tu essaies de dire, en fait, c'est que même quand on nous offre des cadeaux à Clément, moi, Pauline, tu repars avec les cadeaux. Oui, avec la boîte. Ah oui, c'est horrible. Parce que les cadeaux, vous les prenez. Mais moi, avec les boîtes, je fais des petits rangements. On prend les cadeaux quand on a la chance de tomber sur le colis avant toi. Parce que quand même, c'est le seul bureau où des fois je reçois des trucs, je remercie tous les gens. Hein. Je reçois des trucs et derrière, je vois tout est ouvert et tout. Enfin, oh, quelqu'un qui t'a envoyé des palais bretons. C'est trop mignon. Bah cool, bah bon app. Merci de m'avoir laissé 11 miettes. Pauline au standard, à quel moment tu peux être un peu radine toi? Alors, moi je suis pas radine, mais quand mes copines viennent boire le thé à la maison, je leur fais le thé en sachet Marc Repère. Et le mariage frère, je le garde pour moi le soir. Mariage frère, c'est quoi? C'est le meilleur thé du monde. C'est le meilleur thé? Ah bah ah ouais. C'est, ah bon bah ouais, c'est le caviar du thé. Ah, tu le sors pour des rendez-vous, parce qu'en général après le rendez-vous tu fais mariage frère. Ouais. Ça c'est mariage frère, ça c'est sûr. Dans l'année, mariage. Je ne sais pas, je ne m'y connais pas. Il n'y a plus le thé éléphant ? Si, mais bon, oh. c'est du un peu basique. Alors, le mariage frère, là, on est dans vraiment le caviar du thé. On est dans le top du thé, quoi. Attention, quoi. C'est l'art grey. Non, c'est quoi ? Earl Grey. Je connais rien. C'est Star Cellar, c'est le groupe. C'est l'art. Ça n'a rien à voir. Lila, ma chérie, au 39-16, comment tu vas, ma belle ? Ça va, merci. Salut toute la team. Salut. Tu viens d'où, ma Lila ? Je viens, alors il n'y a rien de super, hein. Je suis de la région parisienne et voilà, je suis pas Lille. D'accord. Voilà. T'as l'air heureuse d'être en région parisienne. Ouais, non, non, y a rien d'exceptionnel. Voilà. Non, je vis en région parisienne. Très bien, Malila. Est-ce qu'il y a un moment donné où t'es un petit peu radine, toi aussi? Alors, je suis pas radine, mais par contre, quand j'arrive à la fin de mon gel douche, je laisse dans l'autre camp pour utiliser vraiment le gel douche jusqu'à la dernière goutte. Ah ben non, mais tu mets de l'eau dedans, tu remets un peu d'eau. Non, j'aime pas parce que du coup, j'ai tout concentré. Ouais. Oh, c'est pareil avec le sirop. Quand il reste un peu de sirop, on met un petit coup d'eau dedans. Là, c'est pas radin. C'est pour pas passer à côté, l'or. Non, c'est horrible de mettre de l'eau dedans parce que la douche d'après, quand tu te sers du shampoing, il est glacé. Ouais. Mmh, c'est horrible. Elle est maligne. Ouais, elle est maligne. Hein. Et si l'or passe à côté d'une astuce de radin, c'est que vraiment, elle est pas bonne. Ouais. Hein, mais quant à mon corps, un truc de gel douche, c'est à peu près deux douches. Donc, tu fais des économies, quoi. Il est bête. Merci, ma petite Lila, d'être là. Lucas, est-ce que toi aussi t'es un peu radin? Tu nous appelles au 3916, sois le bienvenu mon pote. Merci les amis, oui moi je suis un petit peu radin en fait. C'est quand je vais faire le plein d'essence, bah, je secoue toujours le pistolet pour qu'il n'y ait plus de gouttes. Ouais. Tu lèves le tuyau quoi. Si tu lèves un peu le tuyau, bah, ma foi tu l'as payé. Pote, t'as vu le prix du diesel Excelsium en ce moment là? Il est payé, il est à toi Pauline au standard. Moi je l'ai jamais fait, j'ai jamais fait le plein, c'est un rêve. De faire le plein? Ouais. Bah écoute, j'aime bien parce que t'as le genre de rêve qui est assez facile à réaliser. Autant nager avec des dauphins dans cet après-midi, on n'aurait pas pu. Autant faire le plein de mon scout, tu peux y aller maintenant si tu veux. Génial. Eh ben génial. Eh ben c'est fait. Oh, on réalise un rêve ce matin et peut-être le vôtre aussi puisqu'on vous offre 50 ans de loyer. Dans maintenant 19 minutes et 50 secondes, on fera le plus gros chèque jamais réalisé par une radio en France. Pour vous remercier d'être si nombreux à nous avoir rejoints. On a les meilleurs auditeurs de France, on leur fait les plus beaux cadeaux jamais offerts. Vous le méritez. Le temps de faire un point sur l'actu. 8h05, c'est la question de ouf qui arrive. Et je voudrais lancer un nouveau défi à nos journalistes dans un instant. Ils sont tellement mignons. Oui. Tout à l'heure, je leur ai demandé de terminer tous leurs flashs par « Je suis meilleur que Laurent Delahousse » ou pour les filles « Je suis meilleur qu'Élise Lucet ». Oui. On écoute ce que ça donne. On a Ludovic et Cindy, par exemple, de Vendée et de Belfort. Voilà, après ce flash, vous vous êtes rendu compte que j'étais meilleur que Laurent Delahousse de Couette. C'était Ludovic Lejeune. Je n'ai pas été meilleur qu'Élise Lucet, mais en tout cas, je suis plus jeune qu'elle. Oh, le clash de Cindy de Belfort. Plus de 60 journalistes à vos côtés dans toute la France qui vous ont préparé un point sur l'actu. C'est maintenant DJ Snake, Justin Bieber. Ça, c'est le pop rock électro. 19 minutes avant ce cadeau exceptionnel. Vous êtes sur Virgin Radio 5. Vous êtes là chaque jour. Vous se réveillez à 5h du mat. Aurait cru, je prendrais du plaisir. Eh bien, c'est le cas. Jusqu'à 9h, on est à vos côtés avec toute l'équipe. Ne bougez pas. Dans 20 minutes, Camille Combal vous offre 50 ans de loyer. 50 ans de loyer. Virgin Tonic. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, la météo avec beaucoup d'instabilité aujourd'hui sur tout le pays. Des éclaircies sur la Bretagne mais de la pluie partout ailleurs. Pas d'alerte mais des orages attendus sur toute la moitié est. Vous aurez 20 degrés cet après-midi à Paris, 21 à Lyon, 22 à Marseille, 25 à Perpignan. La sentence est tombée cette nuit au tribunal correctionnel de Bastia. Des peines allant de 6 mois de prison avec sursis à 2 ans de réclusion ferme ont été prononcées au procès de la rixe de Cisco. Mustapha Benadou a écopé de 2 années de prison pour violence avec arme. À propos de violence, des échauffourées encore hier à Paris en province lors de la journée de manifestation contre la loi travail. 62 personnes interpellées, 32 placées en garde à vue, au moins 4 manifestants et 15 CRS blessés. Les policiers parisiens qui sont priés de régler leur PV mis au point adressé par la préfecture de police à ses fonctionnaires. Les policiers multiplient les infractions au code de la route depuis le début de l'année à Paris. La préfecture les rappelle à l'ordre. Les Français sont de plus en plus séduits par les véhicules électriques. 35% des automobilistes seraient prêts à abandonner leur voiture essence ou diesel pour une électrique, selon un sondage Ipsos publié ce matin dans Le Parisien. La voiture électrique est jugée fiable, sécurisante et agréable à conduire, mais ils la trouvent trop chère et peu autonome. La sortie de l'iPhone 7 aujourd'hui partout dans le monde, les précommandes ont explosé, du coup les stocks sont déjà épuisés. De 2 à 3 semaines d'attente pour être livré si vous avez réservé votre portable sur le site d'Apple. L'iPhone 7 a gagné aujourd'hui sur Virgin Radio. Pour Samsung en revanche, la galère continue. Les États-Unis ordonnent le rappel d'un million de smartphones de modèle Galaxy Note 7, toujours ce problème de risque d'explosion. C'est l'événement radio de cette rentrée. Camille Combal et Virgin Radio vont vous offrir 50 ans de loyer à un auditeur tiré au hasard ce matin à 8h20 dans 17 minutes. Il vous reste à peine 5 minutes pour vous inscrire. C'est simple, il suffit d'envoyer tout de suite le mot loyer au 7 12 13 et surtout de bien rester joignable. Dans l'actu sport du week-end, du foot avec le coup d'envoi ce soir de la 5e journée de Ligue 1. Caen reçoit le PSG à 20h45. Monaco, le leader, recevra Rennes demain dès 17h. 3e, Nice jouera dimanche après-midi à Montpellier. Nice battu 1-0 par Schalke 04 hier soir en Ligue Europa, tandis que Saint-Etienne et Mayenne se sont séparés sur un nul à but partout. En tennis, les demi-finales de Coupe Davis, Grande-Bretagne-Argentine et Croatie-France d'aujourd'hui à dimanche. Richard Gasquet et Lucas Pouille dès 14h cet après-midi sur les cours de Zadar. Enfin, la France à la 17e place du tableau des nations aux Jeux paralympiques de Rio. 23 médailles, dont 6 en or, bien loin des Chinois qui, eux, sont en tête avec près de 200 médailles. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic. Bon réveil. Sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. 8h04, excellent réveil à vous tous, d'ailleurs. On est le 16 septembre aujourd'hui. Merci à vous tous de nous rejoindre si nombreux chaque matin dans le Virgin Tonic, votre rendez-vous pour bien vous aider à démarrer cette journée. C'est 6h, 9h chaque matin avec toute l'équipe. Il y a Laure, bien salut sûr, qui est là. Salut à toi. Salut. Clément vous souhaite bonne chance aussi ce matin. Bonjour et bonne chance. Et Pauline au standard aussi vous souhaite bonne chance. Et oui, bonne chance parce que ça y est, on est maintenant à 15 minutes et 15 secondes. Oh là là. Du tirage au sort dont on vous parle depuis notre premier jour, depuis qu'on est revenu là sur l'antenne, quand on est revenu de vacances, on vous avait promis pendant l'été qu'on vous avait préparé une belle surprise. Bah ça y est, maintenant dans 15 minutes, ce sera le moment, on aura un gagnant. Dans 20 minutes, Camille Combal vous offre 50 ans de loyer. 50 ans de loyer. Virgin Tonic. On n'a pas fait le jingle 15 minutes. Donc on a mis le jingle 20 minutes. C'est à tout. On est comme des fous. On fait les malins, mais je vous jure, la pression, je crois que je l'ai autant que vous tous, qu'espérer que votre téléphone sonne dans un instant. Les copains, 50 ans de loyer. Une vie de loyer. Ouais. Une vie. Vous êtes enceinte? Oui. Vous ne repérez des loyers qu'une fois que votre enfant aura 50 ans. Oui. C'est complètement hallucinant, les amis. J'ai une petite fiche avec plein de calculs. Oui. Regardez ça, par exemple. Par exemple, tiens, Robin, notre réalisateur qui a un nouvel appartement. Combien tu payes de loyer, mon Robin? Je paye 800 euros. Eh ben, belle année, hein. 800 euros. Eh ben, Robin, si c'est toi qui tires au sort dans un instant, je te fais un chèque de 480 000 euros. Oh là là. C'est important, le chèque. Non, je le fais pas vraiment, Robin. Je suis en train de poser sa dème et tout. 480 000 euros, c'est vrai, ouais, vous comprenez, c'est... Évidemment, c'est un chèque qu'on vous fait en une fois, vous le dépensez comme vous voulez. On va pas vous envoyer une enveloppe timbrée avec vos loyers tous les mois. Vous le dépensez comme vous voulez, ça vous permet peut-être de sortir de la galère, faire payer les impôts hier. Vous vous faites plaisir, vous remboursez un crédit, vous faites un beau cadeau, Clément. T'imagines ton prochain chèque de loyer, quand tu le remplis, tu marques par exemple 1er janvier 2066. Oh là là. C'est improbable. C'est dingue. C'est un truc de dingue. Ouais. Oh là, les amis, vraiment, je vous souhaite bonne chance. Déjà, merci à vous tous d'être inscrits. Loyer au 7-12-13 par SMS. Si vous avez envoyé plein de textos, arrêtez là. C'est bon, arrêtez. Je vous jure, laissez faire le sort. Je veux pas que vous ruiniez en SMS. C'est pas le but, je dis depuis le premier jour. En revanche, si vous l'avez pas encore fait, si vous n'êtes pas du tout inscrit, sachez que vous avez jusqu'à la dernière seconde, 14 minutes. Au dernier, là, ceux qu'on peut encore envoyer, les autres, vraiment, arrêtez. Ça sert plus à rien. Enfin, ça a comptabilisé, mais vous ruinez pas. Et dans 14 minutes, là, on aura un gagnant sur l'antenne avec nous. Je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. Les amis, restez avec nous sur Virgin. DJ Snake, voilà ce qu'on va écouter dans un instant. Et pour le moment, 8h06, c'est la question de ouf. Question de ouf. Question de ouf, c'est très simple. C'est un répondeur qu'on a mis à votre dispo. Tous les jours, Clément vous pose une question. Tout à fait. Vous laissez vos messages et on vous écoute. C'est vous qui nous faites rire tous les matins. Et on retourne en 2066, justement. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau dans 60 ans, selon vous? Écoutez vos réponses. Dans 50 ans, les DJ mix seront dans les maisons de retraite et les jeunes, bah, ils trouveront ça un gars. Dans 50 ans, il y aura des lave-personnes. Un peu comme un lave-vaisselle, mais pour l'homme. Dans 50 ans, moi, je suis sûre qu'il y aura eu un candidat de Secret Story qui sera devenu président. On aura toujours la même chose, les chiffres et des lettres à la télé. Il y aura des imprimantes à pizza, comme ça, on aura juste à les commander et les imprimer pour les manger. En plus, pas besoin de donner de pourboire au serveur. Le kiff. Enfin, moi, je pense que dans 50 ans, Camille sera sur un canapé rouge et il présentera vivement dimanche. Aujourd'hui, j'ai des abdos. Bah, dans 50 ans, ce sera des flaques d'eau. Eh ben, je recommencerai à peine à payer mon loyer puisque c'est moi qui vais gagner les 50 ans de loyer ce matin, j'en suis sûre. Question de ouf. Eh ben, c'est peut-être toi, ma chérie. C'est peut-être l'un d'entre vous en train de m'écouter. Peut-être quelqu'un qui s'est même inscrit il y a 3 semaines. Je sais pas ce qui se passera dans 150 ans, mais il y a un grand philosophe qui sait ce qui se passera dans 150 ans. Dans 150 ans. Raphaël. Bien sûr. Ça met la pêche, hein. Ah, j'ai lu tous ses livres. Enfin, les paroles de ces chansons, ils font 3 pages. Bien sûr. DJ Snake, les amis, Let Me Love You. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Je vous souhaite encore un beau réveil dans 12 minutes. Dans 11 minutes 35 secondes, c'est parti, c'est le cadeau, c'est maintenant. This is Justin Bieber. Hey, c'est DJ Snake. Let me love you. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. j'avale ma dernière pomme. Alors, 8h11, vous êtes sur Virgin Radio. Très très belle matinée à vous les amis. Qu'est-ce que vous êtes sympa de nous avoir choisi pour bien démarrer vos journées. Vous êtes nombreux encore à déposer vos enfants à l'école, être peut-être encore à la maison sous la douche. On est là nous 6h-9h avec Laure, avec Salut. Clément, bonjour, avec Pauline du Standard. Bonjour. Tous les jours on est avec vous. Et on vous offre des cadeaux. On vous offre 50 ans de loyer, le plus gros chèque jamais fait par une radio dans 8 minutes. C'est pas la première fois qu'on vous fait plaisir. Rappelez-vous, on vous avait offert déjà plusieurs fois d'ailleurs, hein, 10 ans de loyer. Ouais, c'est oui. déjà énorme. Ben là, c'est 5 fois plus. On les avait offerts par exemple à Isabelle, rappelez-vous. Isabelle, quelle est la seule radio en France et dans le monde qui t'offre là maintenant 10 ans de loyer ? Virgin Radio ! C'est ouais. Isabelle avait gagné 10 ans de loyer. Une émotion pareille, on va la vivre dans quelques minutes, fois 5. Mmh. On espère vraiment que ça va vous faire plaisir. Isabelle, on l'a justement avec nous au téléphone. Ça va, Isa ? Ça va. Merci, bonjour, ma belle. Bonjour, Camille. Bonjour, tout le monde. Salut, ma Isa. Merci de prendre le temps de nous répondre. On t'a rappelé parce que voilà, on voulait savoir prendre de tes nouvelles. C'est l'occasion. Et savoir ce que tu avais fait de la somme qu'on t'a offert. Je me rappelle plus du montant, Isa. 143 000 euros. Wow. Ouais, 143 000. Alors, t'es dans la Marne, hein, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Dans la Marne, t'en as fait quoi, ma belle ? Le casino, j'ai tout joué en une journée. Et j'ai perdu. J'ai tout perdu, mais quelle journée ! Une journée de où ? Bah, Isa, donc t'en as fait quoi, sérieusement ? Eh ben, en premier, je me suis acheté une voiture et c'est une Mini. Oh là là. C'est plaisir, ouais. Eh, belle gosse, hein ? Ouais. Hein, ça doit frimer là dans les rues de la Marne. Eh ben oui. Eh ben ouais, mais t'as bien raison. Et ça me fait plaisir, ma chérie. T'es heureuse depuis ? Oui. Super, super contente d'avoir gagné. Eh ben je suis très heureuse. J'ai eu du mal à réaliser quand même, mais je suis contente. T'avais envoyé combien de SMS, ma belle ? Eh ben pas beaucoup, 3 ou 4. Voilà, il faut laisser faire la chance, c'est ce que je vous disais, ne vous ruinez pas. La chance a une grande part là-dedans. Maïsa, je suis vraiment content de prendre de tes nouvelles, je suis content que ça aille bien. Et puis, Dieu bénisse la Cooper. Hein. Tu vas te faire plaisir, hein. Je t'embrasse Maïsa. Moi aussi, bisous à tout le monde. Et puis j'ai plein de numéros à vous donner hein, pour les rappeler mes collègues hein, si vous voulez hein. Ah ouais. J'imagine, il y a plein de gens. Moi, il y a toute ma famille, il y a tout le monde. Je disais, c'est même pas une blague, les anciens patrons de Virgin Radio m'ont envoyé des textos pour me dire est-ce qu'il y a moyen de faire un truc. Isa, ma belle, je t'embrasse très très fort, restez avec nous sur Virgin Radio. On a lancé un hashtag hein. Oui. Hashtag Camille Combal offre 10 ans de 50 ans. Bah, le coup, ouais. Ah, j'essaie de mettre 40 ans à gauche. Vraiment, ça fonctionnera pas. Et les amis, vous aussi, vous réagissez. On vous a rappelé, hein, au 3916 au standard, vous laissez plein de messages. On rêve tous, maintenant c'est dans 5 minutes, évidemment, il n'y aura qu'un gagnant. Mais amusons-nous à rêver, qu'est-ce qu'on en ferait de cette somme-là ? Ouais. Si demain je vous fais un chèque aux alentours des 500, 600 000 euros représentant 50 ans de loyer, Pauline au standard. Je prends un deuxième chat et je fais une pièce que pour les deux chats. Ah, génial. Je fais des vidéos YouTube d'eux et je deviens hyper connu grâce à mes chats. Voilà, et je reste célibataire. J'étais à la fin de ma vie, méconnu sur YouTube. Caroline, Tom, on les a rappelés au 3916. Ça va les copains ? Salut Camille. Les potos, qu'est-ce que vous feriez ? Là, je vous fais un chèque de 50 ans de loyer. Il est de combien ton loyer, Caro ? 680 euros. Je pense que t'as déjà fait le calcul, mais ça fait 408 000 euros. T'en fais quoi si je te fais ce chèque demain ? Alors, je rachète un institut de beauté. Mmh. J'invite toutes mes copines à faire une coloc avec moi. Et puis après, on fait des spas et tout machin, privatisé, enfin gratuit, limité, enfin un truc trop cool, quoi. Oh là là. Bah, je comprends. Le rêve. Ouais, franchement, je comprends. Je sens Clément. Bon des pieds, je sens le bon de partout, quoi. Moi, si je gagne, donc déjà, je remets l'eau potable à Virgin Radio. Et deuxième, j'installe des caméras dans son spa. Oh non. Tom, mon bichon, t'as un loyer de combien, toi ? Ouais, Camille, salut. Moi, il est de 840 euros, mon loyer. 840 euros, et ben pour toi, ce serait un chèque de 504 000 euros. Waouh. Ce serait super. Ah ouais, bah attendez. C'est vraiment super. T'en ferais quoi, 504 000 euros, premier truc, premier kiff que tu te fais, mon Tom ? Moi, je pense que je ferais un truc de ouf. Je ferais un master, genre, je sais pas, j'irais privatiser Disneyland juste pour l'avoir pour moi tout seul. Comme ça, je pourrais éviter de faire la queue pour aller voir Mickey, ramener mes potes, faire vraiment une journée de dingue et en profiter à fond. Quoi. Ah ouais. Ah ouais, je comprends. Ouais, ouais. Un parc d'attractions, j'adore. Alors, un parc d'attractions que pour toi, ça doit être un truc de dingue. Ouais, ouais. Moi, je viens si tu fais ça. Ouais. Je viens avec mes. Il n'y a pas de souci, je t'invite. Il y avait Clément l'incruste, alors l'incruste. Hein. Bah non, ils sont deux. Hein. Il est plus tout seul. La famille des incrustes s'agrandit. Tom Caro, je vous embrasse très très fort les amis. Restez avec nous. Calvin Harris, Rihanna. This is what you came for. Voilà ce qu'on va écouter pour le pop rock électro.

cette semaine. The Avener. You Belong. Et la nouveauté Triple A. Les meilleures découvertes. Électro. Sont sur Virgin Radio. Trop d'interrogations quant à votre avenir professionnel ou amoureux ? Envoyez CARTE, C-A-R-T-E, au 72021. C'est une analyse claire et précise de tout ce que vous souhaitez savoir sur votre avenir. CARTE au 72021. 65 centimes plus prix d'un SMS tel que passe. Virgin Radio présente Virgin Tonic, la compile officielle avec Richard Orlinski, Imani, Coombs, DJ Snake, LP, Calvin Harris, The Avener, Charlie Puth, Julian Peretta, Jonas Blue, Virgin Tonic, c'est la compilation. Chattez par SMS avec des milliers de connectés. Envoyez libre suivi du numéro de votre département au 62333. Message du 35 centimes par SMS en coût d'envoi, service modéré et animé. Tous les dimanches, 20h minuit, préparez-vous pour la reprise avec le live Virgin Radio. Faites le plein de live avec vos artistes Virgin Radio préférés, de découvertes et d'interviews exclusives. Cette semaine, Julien Doré, T'aimais sur les et Nash sont les invités de Lionel dans le lab Virgin Radio. Hey, this is Nash on Virgin Radio. Les meilleurs artistes rock, electro sont dans le lab sur Virgin Radio. Oh là là là là les amis, ça y est, ça y est, ça y est, vous êtes en direct avec nous, bien sûr, comme chaque matin dans le Virgin Tonic, 6h, 9h, on est là tous ensemble. Je souhaite bon courage à tous ceux qui sont, malgré cet événement incroyable et qui nous suivent tous les matins. La vie suit son cours, vous êtes peut-être en train de déposer vos enfants, peut-être même en train tout juste d'ouvrir les yeux, de passer sous la douche. Et nous, ça fait maintenant 3 semaines qu'on en parle, 3 semaines qu'on vous a préparé ce beau cadeau. Et ça y est, on y est. Ouais, on est même un peu en retard, c'est 8h20, il est 8h23. Il est temps de vous offrir ce cadeau incroyable. Ce sera, quoi qu'il arrive, le plus gros chèque jamais fait par une radio en France. Clément. Et là, je pense à tous ceux qui ont 2% de batterie et qui n'ont pas le chargeur. Vite, Camille. Regardez, depuis que je dis que ça y est, le nombre de SMS, même sur c'est mon téléphone fou. Que je reçois. Les gens sont comme des dingues. Jingle, on y va, j'en peux plus, je suis pas bien, je dois de tomber mal. Tout de suite, Camille Combal vous offre 50 ans de loyer. 50 ans de loyer. On prend votre loyer ou votre mensualité de crédit. Hein. Ça vaut aussi pour le jeu qu'on fait tous les matins, 6h20, 7h20, 8h20 et de retour dès lundi. Votre loyer, c'est le beau cadeau qu'on vous fait chaque matin, en exclu, en direct dans le Virgin Tonic. Et ce qui est important, c'est que les propriétaires, on vous paye votre mensualité de crédit. Oui. Mais 7, 12, 13, envoyer mensualité de crédit, c'est un peu long. Voilà. On a mis que loyer, mais ça marche pour les deux. Les amis, à 8h24, on va tirer au sort. Sachez, c'est important. Quoi qu'il arrive, on aura un gagnant. Oui. C'est-à-dire que si la première personne ne décroche pas, on passera à la deuxième, on passera à la troisième. En tous les cas, la règle est très simple. Ça a été tiré au sort, sous contrôle d'huissier. Oui. D'accord, il y a une machine qui tire au sort avec le contrôle de l'huissier. Puis, on log 10 personnes comme ça, puis 10 autres, jusqu'à ce que quelqu'un réponde. Ce qui est important, c'est que si vous ne décrochez pas au moment où on vous appelle, on passe à la suivante. Bah on ne pourra pas sûr. Vous rappeler, Clément. Et je vous rappelle la meilleure vanne du siècle à faire maintenant, vous appelez vos potes en masqué. Non. On y va, attention. Maître Renaud est avec nous. Ça va, maître ? Ouais, ça va, Camille, et vous ? Ça va très bien, maître. Comment ça se passe face au puits des Callaghan ? Il est très beau. Allez voir notre huissier, vraiment, il est de plus en plus beau gosse. Mais vous savez que à cause de vous, j'ai été obligé de regarder Les Feux de l'amour. Hein. Ah bon ? Les deux jouaient dedans. J'ai une question très importante. Si vous répondez à cette question, maître, c'est que vous êtes réellement huissier. C'est important pour vous dire que vous n'êtes pas un usurpateur. Comment s'appelle l'huissier de justice de l'émission Les Amours ? Comment voulez-vous que je sache ça ? C'est maître Galibert. Attention, allez, on se reporte. Que risque-t-on si on insulte un huissier de justice ? Selon l'article 443.5 du code pénal. Alors ça dépend de l'huissier. C'est-à-dire que si c'est moi, c'est un pain dans la gueule. Carrément. On risque, mais je vous le dis, on risque 7 500 € d'amende. Bah oui, outrage à. Outrage à beau gosse. outrage à huissier beau gosse. Attention, les amis, on y va, c'est parti. C'est le tirage au sort, vraiment, je vous souhaite bonne chance. Surtout, je veux que vous ayez votre téléphone là, près de vous, maintenant. Il faut que vous l'ayez, il faut que vous soyez prêts à décrocher. On appelle en anonyme. D'accord, la radio, c'est un appel masqué que vous allez recevoir maintenant. Je sais que vous êtes tous dans un endroit où ça capte bien. Le tirage au sort a eu lieu, on y va, je rappelle. ces 50 ans de loyer qu'on vous offre là, maintenant, en direct sur Virgin Radio en exclu, pour vous remercier d'être si nombreux à nous avoir rejoints depuis des semaines et des semaines. Une vie de loyer. Une vie de loyer. Voilà ce qui est à gagner. On passe le premier coup de fil. C'est parti, les amis. Oh là là. Si ça s'approche maintenant, il faut répondre Virgin Radio. Hein. Je vous pose une question, il faut répondre Virgin Radio. C'est pas tout de décrocher. Bah oui. Ça sonne. Oui. Allô. Allô, bonjour. Oui. Bonjour, qui est là? C'est Eric. Eric, je peux te poser une question? Ah oui. Eric, quelle est la seule radio qui t'offre le plus gros cadeau jamais offert sur une radio? Une vie de loyer. 50 ans de loyer, Eric. C'est Virgin Radio. Ouais. Merci Camille. Oh, oh là là. Eric. Eh oui. Eric, je suis ravi de faire ta connaissance. Ah putain, bah moi aussi. Eric, tu viens d'où mon poteau? De Toulouse. De Toulouse. Oh là là, on est allé à Toulouse faire des émissions, c'était magnifique. Mon pote, tu fais quoi à Toulouse? Je suis dans l'assurance qualité, dans la cosmétique. Assurance qualité, d'accord mon pote. À Toulouse, et la question, oh, elle est importante. J'y crois pas. Oh là là, je suis comme un dingue. Je sais pas dans quel état t'es, Eric, mais moi, je suis pas bien du tout. Alors, il y a tout juste d'arriver au boulot et je tremble comme pas possible. J'ai des frissons de partout. Ah, c'est fou. J'ai l'impression que c'est moi qui vais recevoir le chèque. Oh là là. Je suis comme un dingue. Je suis tellement heureux. Envoie-le-moi. Je suis tellement heureux de te faire ce cadeau, Eric. Eric, je vais te dire de combien tu as gagné ce matin. Pour te remercier d'être fidèle à Virgin Radio, t'as bien fait de nous envoyer un SMS, t'as bien fait de te réveiller avec nous chaque matin. Eric, t'as un loyer de combien, mon pote? 635 et 33 centimes. 635 et 33 centimes, je te fais là, maintenant. Tu vas le recevoir très très vite, je te le fais tout de suite. Un chèque de 381 198 euros, mon pote. Waouh. Oh là là là. C'est complètement fou. Ah ouais, c'est dingue, c'est dingue. Eric, je pense que là, tu es sur le point d'arriver au travail, c'est ça? Ouais, je suis sur le parking. Bah écoute, demi-tour. Démission. C'est exactement pour ça qu'on vous fait des beaux cadeaux. C'est complètement dingue de se dire que Eric, il était à deux doigts d'arriver à son travail, comme chaque vendredi et comme ouais, vous tous qui nous écoutez. Et que là, le moment où tu vas passer la porte, bah t'as 382 000 euros de plus sur ton compte. C'est un truc de dingue, Clément. Moi, j'ai quand même une question. Est-ce que t'as envoyé un SMS ou beaucoup? Non, j'ai dû en avouer 8. 8, voilà, avec ça t'a porté chance, mon pote. Eric, je suis vraiment content. Je suis content que ça aille aussi du côté de Toulouse. Et forcément, comme à chaque fois qu'on fait un beau cadeau comme ça, on a déjà offert plein de fois 10 ans de loyer. Et je vous le jure, on vous refera des cadeaux aussi beaux, voire encore plus beaux, parce que vous le méritez. Continuez comme ça, hein. Mais je veux vraiment aussi avoir un mot chaque fois pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être tirés au sort. Voilà, soyez pas déçus. On va reprendre soin de vous. Puis dès lundi 6h20, c'est reparti pour les 1 mois de loyer. Laure. Eric, ah bah il a une chérie? Non. Ah ben, il va en trouver une. Ouais. Là, c'est sûr. T'inquiète pas. Non, il est papa célibataire et il va faire plaisir à sa fille. Voilà. Super. Elle s'appelle comment ta fille? Malia. Malia, eh ben mon pote, je suis très heureux pour toi, pour elle, vraiment. Prends soin d'elle, fais-lui des beaux cadeaux, d'accord? Ah, mais il n'y a pas de souci. Il faut que tu viennes nous voir. T'habites Toulouse? Ah, c'est trop loin. Bah si, s'il ne passe pas aujourd'hui. J'aurais aimé t'inviter, tu serais venu en direct ce soir dans Il en pense quoi, Camille, sur C8. Franchement, tu serais venu, on t'aurait présenté à tout le monde. Ah, oui. J'aurais trop aimé passer la soirée avec toi. On va t'essayer d'organiser ça, on n'est pas là. Moi, je prends l'avion. Bah, tu m'étonnes, avec 380 000 euros, tu veux passer une tête. Tu veux venir voir le punch de l'amitié quand même, ce serait la moindre des choses. Oh là là, mais peut-être ce soir en direct sur C8, eh ben, on aura peut-être Eric avec nous. D'ailleurs, pense quoi, Kevin, ça me ferait plaisir. Ah bah ça serait génial. Ça serait génial. Ça serait plaisir aussi, ouais. Oh Eric, vraiment. Et je voudrais avoir vraiment un mot aussi pour les patrons de Virgin Radio qui nous suivent dans tous nos trucs, dans toutes nos histoires de dingue qu'on leur fait, les Zéniths, les Dômes de Marseille, les Tours de France en une seule journée en avion. Et là encore, qui prennent soin de vous. C'est bien d'avoir toute une émission. On est content d'être avec vous. On aime nos auditeurs. Mais si à un moment donné, les patrons ils nous suivent dans tous ces délires complètement dingues. Et voilà, ils sont à fond avec nous et ça me fait très plaisir. Vous êtes des ouf. Bah t'es un amour mon pote. Et bah vraiment Eric, je suis content de t'avoir fait plaisir. Je suis encore désolé pour tous les autres, mais rassurez-vous, on aura encore plein de gagnants pour plein d'autres choses aussi cette année. Eric, je t'embrasse encore très fort. Eric, 50 ans de loyer, on peut le rappeler. C'est le plus gros chèque, c'est le plus gros gagnant sur une radio en France de l'histoire. Calvin Harris, voilà ce qu'on écoutera dans un instant. Non, Midnight City. Oui. Oh, je m'en fous. Oh, oui. Mettez ce que vous voulez. J'en ai plus rien à faire. Mettez le pop rock électro que vous voulez. Je suis comme un dingue, les amis. Bienvenue dans le Virgin Tonic. On est là jusqu'à 9h. Un point sur l'actu, on revient. La Redoute Intérieure présente. Pour vous, les rabat-joie. Pour vous qui avez dit à vos enfants tout l'été, dites-donc, c'est pas le moment, hein, on verra la rentrée. C'est la rentrée pour vous et pour tous les autres. La Redoute Intérieure vous offre 40 euros tous les 100 euros d'achat et la livraison et les retours sont toujours gratuits. Jusqu'au 19 septembre, profitez d'une réduction immédiate de 40 euros tous les 100 euros d'achat sur plus de 1000 produits meubles et déco. Voir conditions sur laredoute.fr. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, un ciel couvert encore aujourd'hui sur tout le pays, de belles éclaircies sur la Bretagne, mais des nuages et des averses partout ailleurs avec aussi des orages attendus sur toutes les régions de l'Est. 20 degrés en moyenne cet après-midi, vous aurez 17 à Brest, 18 à Bordeaux, 22 à Marseille. L'évacuation d'un campement d'au moins 1500 migrants en ce moment dans le nord de Paris, un camp qui grossissait au fil de ces dernières semaines. Il avait d'ailleurs déjà été évacué le 17 août avec près de 700 personnes prises en charge dans des structures d'hébergement. Le jugement est tombé cette nuit à Bastia au procès de la RICS de cet été à Cisco en Haute-Corse. Moustapha Benadou a été condamné à 2 ans de prison ferme pour violence avec arme. Les 4 autres prévenus ont écopé de peine avec sursis. 62 personnes interpellées et 32 individus placés en garde à vue. La journée de manifestation contre la loi travail a été marquée par des incidents hier à Paris en province. Violence à Nantes aussi, à Rennes, Rouen, Grenoble, Toulouse ou encore à Montpellier. Au moins 4 manifestants et 15 policiers blessés lors d'échauffourées entre des jeunes et des CRS. Les dirigeants européens se réunissent aujourd'hui à Bratislava. Un seul pays absent, le Royaume-Uni, qui a voté son départ de l'Union européenne. C'est justement pour tracer les contours de l'Europe post-Brexit que les 27 se retrouvent. Objectif, esquisser une feuille de route. Londres, qui a toutefois donné son feu vert au projet de construction de 2 EPR. C'est une excellente nouvelle pour EDF, le contrat géant qui sauve la filière française, titre Les Échos. Contrat à plus de 21 milliards d'euros. L'actu musique, la date est tombée. Woman, le 3e album de Justice, sortira le 18 novembre. Il comprendra bien sûr Randy, le nouveau single événement du duo que Virgin Radio vous a fait découvrir en exclu jeudi soir. Le clip sera dévoilé le 23 septembre. Justice qui a aussi tout récemment confié à une radio anglaise qu'une tournée était en préparation pour 2017. C'est le plus gros chèque de l'histoire de la radio. Vous l'avez entendu il y a quelques minutes à peine. Eric vient de gagner ses 50 ans de loyer à Toulouse. Un peu plus de 381 000 euros réglés par Virgin Radio. Le PSG se déplace à Caen ce soir pour le match d'ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Les footballeurs monégasques recevront eux les joueurs de Rennes demain dès 17h avant les autres rencontres dans la soirée. Puis dimanche, Marseille accueillera Lyon en match de clôture. Nice a été battu 1-0 par Shaq Nulfer hier en Ligue Europa. Saint-Etienne a sauvé sa soirée par un nul 1-partout à Mayans. Et puis du rugby ce week-end, 5e journée du top 14. Premier match demain, Lyon-Toulouse dès 14h45. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Très bon réveil avec nous. Merci d'être avec nous les copains, 8h34, belle matinée, j'espère que ça se passe bien pour vous, que vous passez un beau vendredi. Il pourra jamais être aussi beau que celui d'Eric. Ah non, c'est clair. À qui on vient de faire un chèque de 382 000 euros, qui gagne ses 50 ans de loyer. Et quoi qu'il arrive, vraiment, courage à vous. À cette heure-ci là, c'est si vous n'avez pas déposé les enfants à l'école, là on commence à être en galère. Ah oui, là il va falloir... Ah bah là ça commence à être... là faut envoyer sans les équerres, sans rien, là faut partir en pyjama direct. Il n'y a plus de cartable, il n'y a plus de devoirs, il n'y a plus rien. C'est juste on dépose un colis directement. Bonjour, j'ai un colis pour vous, il s'appelle Gaëtan. Merci. Là t'es en galère. Parce que si t'es en galère. Les amis, on est tellement heureux d'être là chaque matin à vos côtés. Vraiment, je vous présente Laure. Salut les copains. Je vous présente Clément. Bonjour. Je vous présente la popo du standard. Je vous présente aussi, attention, Eric, on peut réécouter déjà l'extrait? Regardez, il y a même pas 5 minutes, 6, 7 minutes, il a gagné son chèque. Écoutez, Eric, quelle est la seule radio qui t'offre le plus gros cadeau jamais offert sur une radio? Une vie de loyer, 50 ans de loyer, Eric. C'est Virgin Radio. Ça me met les frissons. Ouais. Ça me met... C'est dingue. Je suis pas bien, ça me met les frissons. Amenez-moi un Actifed. Je vous jure, c'était une émotion incroyable. Oh là là là là, les amis. Alors, on va écouter Manzel Merlov dans un instant.

C'est-à-dire moi comme ça, comment ça s'appelle comme ça, je m'excuse. Bah oui, ouais. Cuillère. Non mais cuillère, c'est une Kamasutra, petite cuillère. Oui, bah, oui. Bah bon, oui, on comprend. Oui, en dodo. Ma Pauline au standard, toi qui as un nouveau mec, je rappelle, Willou la cartouche. Ah bah moi j'aime pas dormir collé, donc chacun de son côté. Chacun de son côté, bah oui. Puis ça lui il a un lit spécial, non il a... Oh. Comme il a un lit médicalisé, il peut pas, non, il peut pas dormir avec toi. À l'âge qu'il a. À l'âge qu'il est. Ah non, moi j'adore, c'est que quand je me couche le soir et que mon mec, donc il y a une grosse différence d'âge pour Pauline. Oui. Et que mon mec il me rejoint là, que le brancardier pousse son matelas jusque. Près du mien. Oh là là. Il mange bien sa compote en ce moment. Ton mec. Bah Willou, hey, on termine au moins la compote, Willou. Allez, je te la laisse 2 minutes et t'essaies de manger ta compote, mon Willou. Ah, on l'embrasse, Willou, la mais cartouche. Je lui fais manger des fois des trucs. Ah, j'imagine. Mais non, mais pas la compote. Il lui manque tellement, vous savez ce qu'elle fait pour pas qu'il lui manque, non, son non. mec. Elle part avec son dentier. Vous avez l'impression de l'embrasser toute la semaine. Ils sont loin, il est à Bordeaux, elle est à Paris. Oui, il dort. Non, en ce moment, il est sur de la gelée. Il y a plutôt que. Au moins votre gelée, Willou. Au moins la gelée. Est-ce qu'il y a un truc que vous faites plus depuis que vous êtes en couple? Alors, bah, Clémence, va boire un coup. Voilà. Ouais. Non, mais j'ai un pote. J'ai un pote depuis qu'il est en couple, je passe un coup de gueule. Il fait plus de striptease en soirée. Parce que depuis qu'il est en couple, elle dit toujours il va encore se mettre tout nu. Et bah voilà. D'accord. Avant, il aimait bien. D'accord. Bah, Clémence, si t'es déçu que tes potes te fassent pas striptease, on en apprend un peu sur tes samedis soirs. Voilà, mais c'est très drôle. Bah oui. Laure, est-ce qu'il y a un truc depuis combien de temps t'es en couple avec Juju? Ça va faire 5 ans en avril. 5 ans, donc une année de bonheur. Et ça, c'est beau. Non, 5 ans de bonheur. Mais alors, est-ce qu'il y a un truc que tu faisais au début, tu fais plus maintenant? Je vais vous demander aussi au 3916, vous qui êtes au standard. Ouais, j'ai arrêté le boursin depuis que je suis avec Juju. Parce que le boursin, c'est un truc, ça dure 24 heures en bouche. Et ça, c'est pas possible, surtout pour un dentiste. Donc en fait, il déteste. C'était mon petit plaisir, mais j'ai renoncé. J'adore le boursin. Et pareil, un peu, j'avoue, tu vois, je suis un peu comme toi, j'en prends plus par respect pour ma chérie, mais qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon? Eh ben, aïe, fines herbes, que des bonnes choses. Bah oui. Au pot standard, tiens, depuis que t'es en couple, combien de temps que t'es en couple avec Willou la cartouche? Oh, ben là, on est vers 3 mois. Oh là là là là là là là. 3 mois, attention! Longue durée! Il va le mettre sur l'héritage! Il va commencer à la mettre sur l'héritage! Viager, ouais. Non, en gros, moi, ce que je peux plus faire, c'est quand je suis avec lui, je peux plus passer 2 heures au téléphone avec mes copines parce qu'il dit que sinon on vit pas de vrais moments. Il dit, c'est quoi cet outil du diable? À qui tu parles dans ton boîtier? C'est un téléphone, sorcière! Non, il dit qu'on vit plus de vrais moments, en fait. Ah oui. Parce qu'on est trop au téléphone, cette génération. Ah oui. Ah oui, vous avez quand même une différence d'âge assez, assez grande pour qu'il puisse dire votre génération, vous les jeunes. Non, il dit pas vous les jeunes. Il dit votre génération. Ah ouais, mais avec des pantoufles. Bah oui. Lui, il a pas un smartphone, il a un F1. Tu sais, c'est les petits portables que t'achètes chez Auchan. Oh la tristesse. Mais il aime pas les smartphones. Ah bah oui, il aime pas les satellites. Après, les Russes, ils nous entendent. Jessica, tiens, Sébastien, on va prendre un garçon, une fille. Ça va tous les deux, les copains? Salut, nickel, et vous? Merci d'être avec nous. Jessica, Seb, est-ce que vous êtes en couple tous les deux? Oui, bien sûr. Est-ce que je peux vous demander s'il y a un truc que vous faisiez au début en couple, des efforts, des petites attentions que vous ne faites plus aujourd'hui, Jessica? Alors moi, écoute, en fait, j'avais un pyjama qui était trop mignon avec des petits oursons, mais je le mets plus du tout depuis que je suis en couple. Bah oui, mais... c'est bien. Bah ouais, faut faire un petit peu attention, alors. Bah nous, on est interdit de jogging à la maison. Et franchement, c'est bien pour le glamour. Ouais, du mais coup. Du coup, tu les mets à la radio, donc. Ça vous arrange pas, je préfère autant que tu les mettes à la maison, je te cache pas. Je vais l'appeler ton Juju. Sébastien, il y a un truc que tu fais plus depuis que t'es en couple. Les mecs, c'est vrai qu'on a tendance à faire moins d'efforts. Hein. Ouais. Moi, je ne dis plus du tout à mes potes de venir à la maison en after quand les bars ferment. Habituellement, on allait systématiquement à la maison et maintenant, eh bien, c'est terminé tout ça. Ah ouais, tu peux plus faire des grosses fêtes à la maison, c'est normal. En revanche, Seb, si un de ces quatre, ta chérie est pas là, que tu veux organiser une grosse fête chez toi, il y a un pote de Clem, il fait des super striptease. Voilà. Si tu veux, on le remet un petit peu à la page. Je t'embrasse, mon Seb. Des bisous, ma Jessica. Restez avec nous sur Virgin Radio, 9h moins le quart. On s'écoute un titre que j'adore. Midnight City, M83. Excellent réveil. Vous avez fait le bon choix. C'est là que ça se passe. iPhone 7 encore offert ce matin. 50 ans de loyer. Un chèque de plus de 380 000 euros envoyé du côté de Toulouse à Eric. Le pop rock électro que vous aimez. La chanson de la fin de la semaine qui arrive. Ouais. On est avec vous jusqu'à 9h. C'est un kiff d'être là, les copains. Waiting in the cold.

juste pour devenir agriculteur, pour faire l'amour et dans le pré, pour trouver l'amour. C'est magnifique. Juste en kiff, pour faire l'émission, c'est quand même génial. Bon les amis, vous le savez, chaque semaine aussi, avant de vous quitter, on résume un peu la semaine en chanson. J'adore ce moment, c'est la chanson de la semaine. Bah oui. La chanson de la semaine. Si t'as raté des trucs, c'est la chanson de la semaine. Et après, je vais vous dire tous les cadeaux encore magnifiques qu'on vous offre à partir de lundi dans le Virgin Tonic. Nico Bou, le musicien de l'équipe. A préparé une nouvelle chanson et on va la chanter tous ensemble avec l'équipe, bien sûr, avec vous tous. N'hésitez pas à chanter dans votre voiture, chanter dans votre bureau, chanter sous votre douche avec nous. Le titre de la chanson cette semaine, c'est... Tiens. Mais ça ne serait pas passé des choses cette semaine. Excusez-moi, ah, c'est le même titre que la semaine dernière. Oui, oui. Ok, on y va, c'est parti. Il s'en est passé des choses cette semaine. C'est fou tout ce qu'on a vécu cette semaine. Avec vous on en a vu cette semaine. Que des trucs, que de folie cette semaine. Déjà ne passons pas à côté de l'événement. Ouais. Ça on peut dire que ça n'arrive pas souvent. C'est Nico du bureau qui a dit enfin un truc intéressant. Oh ah bah non, je me suis trompé en fait, c'est pas lui. C'était Clément. On est passé les choses cette semaine. Allez tout le monde. Oh, que des trucs de malade. Oui, cette semaine. Non, non, attendez. En vrai, le truc complètement fou, c'est quand même l'avenue de Superbus chez nous. Eh oui. Ils nous ont gâtés dans le studio Patoche. Camille a même eu droit à un gilet moche. C'est vrai. On s'en est passé les choses cette semaine. Que les trucs que la folie. Oh oui, cette semaine. Oh, beaucoup de choses que d'un. Qu'on ça cette semaine. Eh oui. Je te tiens complètement fou cette semaine. Sinon le truc le plus incroyable, quand même, c'est ce nouveau jeu de Paris d'amis. Il aura fallu, c'est tout de même formidable, pour avoir un gagnant au moins 4 parties. Ouais, on s'en est passé des choses pour ça cette semaine. Que des moments fabuleux. Oh oui, cette semaine. Même tout était joyeux cette semaine. Ouais, c'était vraiment super cette semaine. Et puis surtout, on a eu Eric au téléphone de Toulouse pour lui annoncer une nouvelle bien bonne. Le plus gros cadeau radio jamais fait. 50 ans de loyer, soit 382 000 euros. C'est lui qui a gagné. Ouais, on s'en est passé des choses cette semaine. Tous ensemble, il s'en est passé des choses cette semaine. Oh, il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. J'en ai sûrement oublié, mais un moment faut y aller. Et on vous souhaite un bon week-end. Bravo Nico Bou, bravo toute l'équipe, bravo à vous tous. Merci de nous avoir suivis cette nouvelle semaine sur Virgin Radio. On se fait plein de souvenirs du lundi au vendredi entre 6h et 9h grâce à vous depuis plus de 2 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on est heureux d'être là. Qu'est-ce qu'on est heureux de se retrouver chaque matin. Qu'est-ce qu'on est heureux de reparler à Eric, notre gagnant. Comment tu vas Eric? Eh ben ça va bien, je suis toujours sur le parking. Eric, oh là là là là, qu'est-ce qui nous fait rire Eric, il a gagné 50 ans de loyer. Merci pour la chanson, pas mal Nico. Merci Eric. Oh là là là là. Eric, on lui a fait un chèque. Il t'avait un loyer de 635,33 €. On t'a fait un chèque de 382 000 €. T'es arrivé au travail, tu l'as dit à tes potes à Toulouse? Ah mais non, mais j'ai pas encore pointé au boulot. Non mais en vrai. Pour de vrai, t'es resté dehors? Bah ouais, bah j'étais harcelé de coups de fil. Oh là là là. Je suis en open space, donc ça le fait pas. Ah oh, mon pote, hey, l'apéro il va être pour toi ce soir. Ah ouais, mais pour tout le monde. Je suis très heureux, encore félicitations Eric, je suis très très très heureux pour toi, je t'embrasse. Ah merci, et merci à vous, et continue comme ça. T'es un amour, merci mon pote, c'est le plus gros gagnant sur une radio en France. Ouais, c'est pas dingue. On termine en musique, j'aimais bien quand il y avait le petit truc. On va se retrouver lundi matin à 6h pour une nouvelle semaine. C'est la sitcom de la vie. Si chaque matin vous nous appelez, vous discutez avec nous, on parle avec vous, on échange, c'est un bonheur vraiment. On aura une nouvelle question de ouf, Clément. 01 84 07 08 09. Vous avez tout le week-end pour répondre. Et la question c'est, à quoi tu vois que ça y est, t'as 35 ans ou plus quoi. Parce que lundi, je te rappelle que t'auras passé la 35e. Je vous quitte à 34 ans, je vous retrouve lundi à 6h à 35 ans. Rendez-vous ce soir sur D8 en direct. C'est en direct maintenant, hein. Touche pas à mon poste et il en pense quoi Camille, à partir de 18h10. On est en direct aussi le vendredi. Et la semaine prochaine, tour du monde du pop rock électro. Je vous envoie en Australie. Ouais. Je vous envoie à Berlin. Ouais. Je vous envoie à Brisbane. Ouais. Et je vous envoie à Las Vegas pour applaudir Shawn Mendes, 21 Pilots, Jay, Strumbellas, les Chainsmokers. On aura des packs brossards avec l'iPhone 7, Brownie à volonté. Bref, on va encore vous régaler la semaine prochaine. Merci à l'équipe. Oui. Je vous aime fort. Merci à vous tous. On dirait que c'est la dernière. On se retrouve lundi. Salut tout le monde. Ciao. Your radio. Pop rock. Electro. Info Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, c'est le plus gros chèque de l'histoire de la radio. Eric, un chanceux auditeur de Toulouse, vient de décrocher 50 ans de loyer il y a quelques minutes sur notre antenne, vous l'avez entendu. Plus de 381 000 euros réglés par Virgin Radio. La météo avec beaucoup d'instabilité aujourd'hui sur tout le pays, des éclaircies sur la Bretagne, mais de la pluie partout ailleurs. Pas d'alerte, mais des orages attendus sur la moitié est. Vous aurez 20 degrés cet après-midi à Paris, 21 à Lyon, 22 à Marseille, 25 à Perpignan. La sentence est tombée cette nuit au tribunal correctionnel de Bastia. Des peines allant de 6 mois de prison avec sursis à 2 ans de réclusion ferme ont été prononcées au procès de la rixe de Cisco. Mustapha Benhadou a écopé de 2 années de prison pour violence avec arme. À propos de violence, des échauffourées hier à Paris en province lors de la journée de manifestation contre la loi travail. 62 personnes interpellées, 32 placées en garde à vue, au moins 4 manifestants et 15 CRS blessés. Les policiers parisiens sont priés de régler leur PV mis au point adressé par la préfecture de police à ses fonctionnaires. Les policiers multiplient les infractions au code de la route depuis le début de l'année à Paris. La préfecture a donc décidé de les rappeler à l'ordre. La sortie de l'iPhone 7 aujourd'hui partout dans le monde. Les précommandes ont explosé. Du coup, les stocks sont déjà épuisés. De 2 à 3 semaines d'attente pour être livré si vous avez réservé votre portable sur le site d'Apple. L'iPhone 7 a gagné aujourd'hui sur Virgin Radio. Une jeune autrichienne de 18 ans fait un procès à ses parents. Elle leur reproche d'avoir posté trop de photos d'elle sur Facebook quand elle était bébé. Des postures qu'elle juge humiliantes, comme par exemple lors d'un changement de couche. Elle estime que ces photos constituent une atteinte à sa vie privée. Elle demande à la justice d'obliger ses parents à supprimer ses quelques 500 clichés. Une belle récompense pour Europa Park en Allemagne. Il vient d'être élu meilleur parc d'attractions au monde pour la 3e année de suite. Un très joli parc situé à seulement une demi-heure de Strasbourg et articulé autour de 14 quartiers sur le thème des pays européens. Il reste ouvert jusqu'au 6 novembre. Plus d'infos sur europapark.com. Du foot avec le coup d'envoi ce soir de la 5e journée de Ligue 1. Caen reçoit le PSG à 20h45. Monaco, le leader, recevra Rennes demain dès 17h. 3e, Nice jouera dimanche après-midi à Montpellier. Nice battu 1-0 par Shaq Nulfir hier soir en Ligue Europa, tandis que Saint-Etienne et Mayence se sont séparés sur un nul 1 partout. Et puis en tennis, les demi-finales de Coupe Davis, Grande-Bretagne-Argentine et Croatie-France d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Richard Gasquet et Lucas Pouille à partir de 14h cet après-midi sur les cours de Zadar. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Tout de suite, vous retrouvez Pierre-Alex jusqu'à midi. Belle journée et très bon week-end à l'écoute de Virgin Radio. Ouf. Virgin Radio. Je savais qu'on devait pas le faire. C'était bien. On a tenté un jingle en live. Erreur. On va le faire tous les vendredis maintenant. Ok. Ou pas. You were looking at me like you wanted to stay. I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away.

I want to drive you through the night. Virgin Radio, j'ai que des bonnes nouvelles ce matin. Déjà, on va redémarrer 40 minutes de pop rock électro non-stop dans un instant. Et alors là, c'est juste complètement fou, les amis, où je vais vous envoyer avant midi. Vous avez toujours rêvé de partir loin dans une destination paradisiaque? Eh bien, vous allez gagner ce matin, avant midi, un séjour de rêve pour deux personnes à Cancun pour faire la fête avec Major Lazer sur la plage face à la mer des Caraïbes. Vous serez logé dans un hôtel ultra luxueux face à la mer avec une piscine énormissime. Donc, je vous le dis, il n'y a qu'un moyen pour gagner votre séjour pour deux personnes. Vous écoutez Virgin Radio en non-stop et dès que vous repérez deux titres de Major Lazer à la suite, vous envoyez Virgin Radio par SMS au 7-12-13. Ça va tomber avant midi, c'est promis. Et Mathieu, tu te rends compte là, si tu partais comme ça à Cancun, ce serait fou. Mais ce serait juste énormissime, Carex. C'est clair. Entre les 50 ans de loyer que vous avez offert ce matin, plus le voyage à Cancun, mais vous offrez des cadeaux de malade. Donc reste avec nous sur Virgin Radio. Ça tombe dans moins d'une heure. Voilà, c'est dit, restez ici. En plus, on démarre 40 minutes de pop rock électro non-stop dans un instant. Coldplay. Il y aura aussi The Chainsmokers. Et un titre que vous avez découvert ici avant tout le monde, LP, et à retrouver là. Ladies and gentlemen, la bande son de votre morning préféré est sur la compile Virgin Tonic, saison 2016-2017. LP. Jonas Blue. Jane. Et beaucoup d'autres sont